Cette cité est gangrénée par le crime et les luttes de pouvoir. Alors que la pègre et les hommes politiques véreux ne cessent d'étendre leur pouvoir, certains essayent de faire leur place et d'améliorer leur quotidien dans une ville où la cruauté et la violence règnent en maître. Ce n'est pas chose aisée, et nombreux sont ceux qui finissent trois pieds sous terre ou en prison pour les plus chanceux. Sans oublier, bien sûr, la bête, l'ombre de Gotham, qui fait trembler même les plus puissants. Mythe ou réalité, nul ne le sait. Serez-vous assez fou pour y entrer ? Bienvenue à Gotham. Vous connaissez sûrement la Gazette de Gotham et le petit jeu qui se trouve à la dernière page, nommé Gotham et 3 petits points. Le jeu est simple, vous devez envoyer votre proposition pour compléter la phrase au journal. Et il y a des chances que celle-ci soit sélectionnée pour le prochain numéro. Au fil des années, la Gazette a eu son lot de Gotham est maudite, Gotham est horrible ou encore Gotham est une charogne. Parfois, des petits plaisantins proposent Gotham est le Joker, Gotham est double face, bref, vous voyez le tableau. Quoi qu'il en soit, le résultat d'aujourd'hui est Gotham est hanté. D'ailleurs, aujourd'hui est exactement le même jour que celui où nous sommes quittés la dernière fois. Il y a sûrement moins d'une heure ou deux, votre petit repas en groupe s'est terminé. Et vous avez encore tous en tête la promesse faite par votre boss, la promesse de réponse à vos questions demain soir. Pourtant, votre téléphone sonne à nouveau. Vous avez à peine eu le temps d'allumer la télé, de vous installer ou encore de passer un coup de téléphone à un ami, que le boulot vous rattrape déjà. Sûrement sans motivation, voire craintif à l'idée qu'il s'agisse d'un piège pour se débarrasser de vous, vous n'avez cependant pas le choix si vous voulez faire bonne impression, voire si vous voulez rester en vie, bien qu'aucune menace n'ait été proférée en cas d'absence. Cette idée trotte sûrement tout de même dans votre tête. Contrairement aux autres fois, le rendez-vous n'est pas au My Alibi, mais dans un entrepôt au Port Adams, non loin de la prison de Blackgate. La nuit commence à tomber alors que vous arrivez les uns après les autres, et l'odeur nauséabonde des environs n'est pas le meilleur des accueils que vous ayez connus. Vous pouvez revenir. Ah, il y en a un qui est parti. Il y en a un qui est parti. Très bien. Donc, comme vous l'avez compris, vous êtes au Port Adams, qui, si vous vérifiez sur la carte, se trouve entre... Founders Island et Miagany Island. C'est la micro-île qu'il y a en tout milieu, entre les deux, où il y a la prison de Blackgate. Je vois ça. Très bien. Donc, vous êtes arrivés à cet entrepôt les uns après les autres, c'est-à-dire 22, Thompson et Pat. Cette fois-ci, a priori, il n'y a que vous trois, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois que vous soyez appelés, qu'il y ait juste deux d'entre vous, trois ou quatre. Disons que c'est pour le... Oui, c'est pour ce qui est considéré comme les petits travaux mineurs, quoi, en quelque sorte. Il y a tout aussi. Les deux personnages les plus humains du groupe, ils sont pas là. Mais il y a toi. Ouais, je suis humain, moi, oh. Il y a que moi en fait, hein. Et l'autre, on ne connaît pas. Très bien. Donc, vous êtes arrivés tous les trois à cet entrepôt et vous êtes entrés sans problème. A priori, il y avait un seul gars à l'entrée et il semblait vous connaître, ou alors, en tout cas, il avait eu l'ordre de vous laisser passer, quoi. Ok. Donc, vous êtes rentrés dans l'entrepôt qui a l'air d'être un entrepôt avec des caisses, rien de spécial. Et donc, aucune idée de ce qu'il y a dans cet entrepôt. Et il y a dans un coin une caisse qui sert de table avec quelques gars assis autour, dont votre patron Patrick, ainsi que un type plutôt particulier qui est une sorte de rasta, on peut le dire, hein, mec en style rasta. Qui a aussi une sorte de maquillage, en quelque sorte, comme si c'était dessiné un crâne blanc sur le visage. Il est accompagné de toute une équipe en majorité de blacks, de personnes de couleur noire. Et donc vous vous approchez et votre patron Patrick vous accueille avec son sourire habituel, que vous savez toujours pas s'il est moqueur ou sincère. Avec le temps, il est toujours un peu de mal à cerner Steve. Et il enchaîne directement avec « Ah, je suis désolé les gars de vous rappeler aussi rapidement, mais il me manque quelques gars pour ce soir et du coup je pense à vous. » Pas de problème. Pas de problème. Très bien. Bon, je vous présente le baron Samedi et tous ses potes. Salut. Ok. Donc le baron, qui est donc ce type avec son crâne sur le visage, vous fait juste un salut de la tête. Et il y a 2-3 autres blagues autour qui saluent aussi. Parmi eux, bien entendu, Mike, tu en fais partie. Moi je salue pas, je suis en train de me fumer la clope. D'accord, très bien. D'accord. Donc, Patrick vous fait signe de prendre une chaise dans un code qu'il y a par là et de vous installer à table. Bon, on le fait. Enfin, je le fais, du moins. Ouais. Très bien. Ouais. Donc vous installez. Vous voyez qu'il y a une partie de poker ou de quelque chose du genre qui est en train de se jouer. Mmh. Et vous voyez qu'il continue un peu la partie avant de commencer, enfin de continuer à discuter business, en quelque sorte. Pour l'instant, ça lance des piques et tout ça. Disons que vous êtes plus spectateur qu'autre chose, vu que la partie avait commencé avant. Ouais, normal. Et une fois que la partie se termine, qui se termine assez rapidement, hein, vous êtes arrivé enfin, Patrick retourne la tête vers vous et vous dit « Bon, vous êtes frais ce soir ?» Ouais, comme d'hab. Ça va. Bien. Bon, ce qui se passe, c'est que on a donc notre cher ami, monsieur le baron. Vous pouvez pas vous empêcher de sentir un petit côté ironique dans sa façon de donner le nom, un peu pour indiquer qu'il trouve ce surnom un peu débile. Monsieur le baron, donc, qui est un... pas vraiment un collègue, mais une connaissance. Et il nous doit quelques services, on lui doit quelques services. Et justement, il a besoin qu'on l'aide un peu pour ce coup-là. Est-ce que il y aurait eu certains d'entre nous qui auraient déjà pas eu affaire à eux, mais qui connaissent ou enfin, ou... Non, il y a aucun d'entre vous a d'indication sur ces types. Franchement, ça vous dit avec eux ou des trucs dans le genre? Non, ça vous dit absolument rien. Baron Samedi, aucune idée. Ok, d'accord. Sûrement un taré qui s'est inspiré de notre taré. Aucune idée de qui c'est. Ok. Et le baron... oui, tu disais? Non, rien. Je dis, mais du coup, ça consiste en quoi, le boulot, quoi? Je vais laisser monsieur le baron en discuter avec vous. Moi, je suis juste là pour vous présenter les uns les autres. Donc, baron, je vous présente 22, Thompson et Pat. Voilà. Donc... j'espère que vous vous entendrez bien, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'entourloupe les uns les autres. Vous avez... Donc, c'est pas tout, mais j'ai un truc sur le feu et ma fille qui a faim, donc je vais vous laisser. Pas de problème. Ok. Bon, allez, bye bye. Question toute conne, j'ai mes chiens là, j'imagine. Oui. Oui, mais non, il n'y a pas eu de problème quand je suis arrivé ou pas, ok. Oui, pas de problème. Vraiment, si un jour il y a des problèmes avec tes chiens, je te l'indiquerai déjà. Je vois, ok. Très bien. Donc, Patrick vous fait un petit salut, peut-être qu'il tapote sur l'épaule d'un d'entre vous, puis il s'en va. Et puis, au moment où il a fermé la porte derrière, il y a ce petit moment de malaise où tout le monde se regarde un peu, attendant qui est le premier qui doit parler. Bon, du coup, on commence comme les gens. Et donc le baron tout simplement répond à ta question. On va commencer dans pas longtemps, on attend juste un petit signal. En attendant, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Allez-y. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler du royaume souterrain? Non. Et là, je vais demander à chacun d'entre vous de faire un jet de culture gothamite. J'ai déjà répondu non, je suis sûr que ça ne va pas m'aider plus. Ok, et eh ben non. Et bah 5, donc oui. Très bon jet, mais très mauvaise capacité, 25. donc. Non, j'ai pas euh, 5 sur 10. ok, très bien. Donc, pour ceux qui ont réussi, vous savez que le royaume souterrain, c'est un petit nom qui se donne dans le milieu pour parler de tout ce qu'il y a en dessous de Gotham. Que ce soit les métros, les égouts, les tunnels, les réseaux de grottes qui font que la région est plutôt connue pour de nombreuses personnes qui se sont perdues en zone de la spéléologie, ce genre de choses. Ok. C'est vraiment. Vous savez, et ça c'est souvent dit, que si on pense que Gotham c'est un labyrinthe, alors le royaume souterrain c'est un truc dont tu sortiras jamais. Ok. Vous savez aussi que le royaume souterrain, c'est souvent les endroits où ceux qui veulent vraiment pas se faire retrouver, ils y disparaissent et parfois, bah, ils retrouvent jamais la sortie. Ok. Ouais. Il y en a qui connaissent pas encore la technique des tickets blancs, on dirait. Donc voilà. Je me sens mis. Je réponds que oui, je connais. Bien, bien. Si tu veux savoir. Alors, bien vu qu'il y en a certains qui connaissent, pour faire rapide, c'est ce qu'il y a en dessous de Gotham. Et je suis le patron d'un des petits gangs qui vit là-dedans. C'est ça. Vous avez votre mafia, ou peu importe ce que vous êtes, qui gère en haut. Mais ils n'ont aucune autorité en dessous. En dessous, c'est le chaos. Et donc, j'ai mes petites affaires en dessous. Et pour le coup, j'ai besoin d'avoir quelques gars en plus de ce que j'ai déjà prévu. Vous voyez, j'ai. Ah, comment dire ça? J'ai des contrats avec certains types, je dois leur ramener un colis. De manière plutôt régulière, je dois ramener des colis comme ça. Et j'ai eu quelques problèmes les deux dernières fois sur le chemin. C'est-à-dire quel genre de problème? Bah, du genre des types à moi qui disparaissent et le colis qui disparaît avec. Ah, Donc c'est bien en jeu. des attaques, des. Ouais, a priori. En tout cas, on n'a jamais retrouvé de gars, donc on ne sait pas si c'est une attaque ou s'ils se sont tirés ou. Aucune idée. Et donc, nous sommes les prochains à transporter le colis, alors. C'est ça. Il y a en ce moment environ. De quoi? Il y a combien de. Genre, il y a lui, nous, et au niveau des autres, il y en a combien? Il y en a trois ou quatre autres. Ok. Mais il dit et il fait. Mais en preuve de ma bonne foi, bien sûr, je vais pas juste vous envoyer vous faire massacrer dans les tunnels. Je vous confie un de mes hommes, donc. Et donc là, il fait signe vers toi, Mike, pour que tu te rapproches. Je me rapproche. On a notre petit. C'est quoi encore déjà? Ton nom? Mike. Mike. Et vous aurez aussi quelqu'un en dessous qui va arriver dans pas longtemps. Ok. Très bien. Vous pourrez discuter disons de la façon d'avancer, tout je reste avec le type qui doit arriver. Tout ce que j'ai à dire donc, c'est que vous transportez le colis, mis à part pour le bouger, vous n'y touchez pas. Je veux pas qu'il soit ouvert ni rien. Ça se reprend. Vous le donnez au point de rendez-vous, vous serez payé par les types là-bas, Mike, tu récupéreras une partie de l'argent qui me revient, hein. Oui. Et après, vous pourrez partir où bon vous semble, sauf toi, Mike, bien sûr, qui me ramène ma monnaie. Oui. Le collier est fragile ou pas? Disons qu'il faut pas le balancer contre les murs, mais sinon, je pense que ça ira. Ok. Est-ce qu'on est armé ou pas? J'ai aucun problème avec ça. Je dirais, vous fournissez les armes ou c'est à nous de ramener? J'ai pas spécialement prévu de donner quelque chose, mais si vous avez vraiment rien sur vous. Enfin, en même temps, vu qu'il y a des gens qui disparaissent pour on ne sait quelle raison, avoir une défense. C'est peut-être que des traîtres, hein. Ce serait quand même plutôt utile. Ça peut être aussi juste des traîtres. Mais ça peut, comme ça peut ne pas l'être. Ouais, clairement. Ouais, mais non, j'ai rien prévu de spécial pour vous. Ok. Très bien. Vous avez quelques questions avant que je continue? Non. Pas pour moi. Au niveau du trajet, c'est Mike qui va nous guider. Oui, c'est ce que j'allais. C'est justement ce sur quoi j'allais enchaîner. Donc, vous allez arriver d'abord dans des tunnels, aucun problème. C'est notre homme qui doit arriver dans pas longtemps qui vous servira de guide, plus ou moins. Ok. Il vous amènera jusqu'à une station abandonnée et vous devrez prendre. La ligne Wonder 2. Vous inquiétez pas, ça fonctionne. Le train fonctionne. Me demandez pas comment. On n'a aucune idée. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement accompagner le colis en restant dans le train jusqu'à la destination. Ok. Aucun problème ? C'est bon. Très bien. Bon, eh bien, en attendant le gars, on fait une autre partie ? Ah, si vous voulez. Si vous voulez, patron. Dans le pick-up. Hein. Comme on va. Et alors qu'il vient de dire ça, vous entendez toquer quelque part ? Un genre de gros toc, un genre de boum boum sur une paroi en métal. Et... soudainement, comme s'il avait jamais dit on fait une partie, il se lève et il se dirige vers une sorte de trappe qu'il y avait au sol, que vous n'avez pas spécialement remarqué avant, parce que vous n'étiez vraiment pas dans l'idée de chercher une trappe. Quoi. Oui, voilà. On ne faisait pas attention non plus. Quoi. Il se dirige vers une trappe et il la soulève, une grosse trappe en acier, c'est le truc avec le gros anneau pour soulever. Quoi. Il le soulève et vous voyez qu'il y a un autre type en dessous, qui a l'air d'être aussi un black, même s'il en... avec une grosse barbe en habit comme si c'était un clochard, qui semble murmurer quelque chose. Et le baron se retourne vers vous en disant « Bon, eh bien, votre guide est arrivé. » Ok. Moi, Le baron, il est baraque ou pas? Pas spécialement, mais c'est pas un faible non plus. Ok, je regarde. Je touche juste à ma cheville pour voir si... mon couteau de combat est toujours bien à sa place. Il est toujours à sa place. Ça va. Très bien. Bon, je vous dis à une prochaine fois peut-être. Oui, bien sûr. Bah, y a intérêt. Si, normalement. Normalement. Très bien. Donc vous voyez qu'ensuite il s'écarte et qu'il... A priori, c'est à vous de partir maintenant. Ok, bah, genre la trappe, elle est grande ou pas? Oui, il y a de quoi passer sans problème. Je peux aussi faire passer mes chiens ou... enfin, peut-être pas les faire, j'hésite à le faire en plein incroyable. C'est haut. Bah, disons que c'est la trappe passe. Il y a un escalier quoi, donc on peut marcher. Ah, c'est un escalier. Okay. C'est pas une trappe où on descend par une échelle, donc il n'y a pas de problème pour les chiens. Tu peux tranquille quoi. Ouais. Non, j'avais un doute au cas où je laisse en haut non plus. Je rentre à l'intérieur, je passe dans la trappe. Ok, je rentre après. D'accord, très bien. Bah moi, du coup, Donc. en descendant, je vais nettoyer un peu mes mains pleines de morceaux de chips et serrer la main de Mike à me présenter. Salut, moi c'est Pat, très heureux de te rencontrer. Un grand sourire. Bah, de même. Je lui serre la main. Oui, bien Avec ma sûr. grosse main de Oui. Bah moi j'attends d'arriver en bas moi pour le faire. Très bien. Donc, vous descendez. Je vous laisse interagir pour ceux qui veulent interagir avant de commencer la description. Hop, je sers pas la main pour un fois, voilà. Moi, je m'allume une clope. Une deuxième Salut. clope derrière, mais... Je salue ben Mike et puis l'autre qui est avec lui. Oui, en effet. Donc, l'autre type aussi te salue, pas de problème. Oui. Oui, déjà que physiquement il n'avait pas l'air très propre, mais maintenant que vous êtes près de lui, ça se sent aussi qu'il n'est pas très propre. Bah c'est les égouts aussi. Oui. Et justement, en parlant d'égouts, vous vous retrouvez, vous savez clairement que là vous êtes dans les égouts. Avec des sortes de petits trottoirs sur les côtés, quoi, et au milieu, la mélasse dégueulasse. Et donc votre guide se présente lui aussi. Il fait bonjour, je m'appelle Sirius. Salut Sirius. Salut. Ouais, salut Black. Vous avez Ouais. vu, vous avez compris. Ouais. Bon, on va commencer à avancer dans cette direction-là. Il vous faut lui montrer une petite direction. Problème. Il va falloir suivre cependant quelques-unes de mes instructions pour votre sécurité. Et pour celle du colis, vous voyez qu'il tapote sur une espèce de boîte en ferraille qui doit faire 1 mètre de haut, un truc comme ça. Les consignes sont pour aucune raison, on ne laisse le colis derrière nous. Deuxièmement, si vous voyez une lumière au loin, ne vous en approchez surtout pas. Pourquoi? Pour différentes raisons. Expliquez. Demandez. Troisièmement, si vous entendez un bruit qui n'a rien d'humain, vous êtes sûrement déjà mort. Donc essayez de crier le plus fort possible pour que les autres sachent qu'il faut partir. Ouais, mais mes chiens devront l'entendre et ils se mettront à aboyer, je pense. Mais tes chiens, ils vont finir en pâté pour nous, ça, si tu les amènes. Bon, T'inquiète c'est pas pas, grave. ils ont quand même des trucs quand même, toi. À vrai dire, voilà. Très bien. Ouais, Je ils sais, ont... je montre, à, je sors de ma... Et je montre ma veste et dedans, il y a un flingue. Moi aussi, j'ai ce qu'il faut. Bon, tu vois très bien que la bouche de mes chiens est en sang. Très bien. Tu me l'as rétabli aussi. Très bien. Donc, vous commencez la marche et Sirius, qui est tout devant, bien entendu, eux, ils déblatèrent à voix basse des histoires sur les alligators qu'il y aurait dans les égouts de Gotham, ce genre de trucs. Les légendes sur les hommes top qui vivent ici aussi. Des espèces de racontars de légendes urbaines étranges. Ouais, Bah oui, c'est clair. Je l'écoute, mais genre je lève les yeux au ciel, genre, il est complètement cinglé celui-là. Très bien. Et donc vous... Moi, après avoir fini ma note clope, j'en rallume une autre. Putain. Donc a priori Mike est complètement accro, vous en rendez compte. Non mais c'est une Moi, clope, il n'y a j'ai rien même pas dedans. encore fumé quoi. Oui, c'est ça. Et donc vous continuez à avancer. Il y a certains moments où vous croisez un sans-abri par-ci par-là. Ils sont pas légion, mais disons que dans ce coin-là, en tout cas, ils ont l'air de pas être non plus très rares. Ok. Il y a aussi quelques éléments qui vous mettent pas trop en confiance, du genre ce moment où vous avez trouvé la peau d'un visage arraché qui était pendu au plafond, accroché par des espèces de petits hameçons. Très propre. New Age, tout ça. Très sympa. Ils sont éclairés, on est en mode lampe torche. A priori, pour l'instant, c'est plus ou moins éclairé, mais parce qu'il y a quelques endroits qui ont l'air d'être. Il y a des poubelles qui ont l'air d'avoir été placées intentionnellement et. Ouais, l'endroit a l'air d'être plutôt. Enfin, habité, quoi. Pour l'instant, vous êtes dans un coin qui a l'air habité. Donc, niveau lumière, ça va. Okay. Et s'il y a besoin de lumière, j'ai ma clé. Qui porte le colis parmi vous? Bah, j'ai cru comprendre que c'était le guide. Non, non, il l'a pas pris. Ah merde. Vous l'avez oublié. J'aurais pensé que ce soit Mike, puisque c'est le mec de. Ah, mais comment tu veux qu'il filme sa clope et qu'il est le colis? Bah, c'est, est-ce que c'est lourd comme boîte? Enfin, ça peut pas se tenir à la main. Est-ce que c'est gros comme boîte ou pas? Non, c'est pas non plus très léger. On a oublié le colis là. Non, vous êtes sérieux là? Non, vous l'avez pris. Non, mais je demande juste qui c'était. On est en train de se faire des passes, tu sais. Ah, d'accord. Bah, vas-y, je vais le prendre. Tu le prends, ok. Très bien, d'accord. Donc, Thompson, tu tiens le colis. À ce moment-là, comme t'étais devant, je passe devant toi. Très bien. D'accord. Donc vous continuez à avancer, et plus vous avancez, vous prenez quelques tournants étranges, à des moments où vous ouvrez des portes qui avaient l'air d'être complètement rouillées, vous pensiez que ça allait jamais s'ouvrir, puis vous avez pris quelques escaliers, ça descend encore plus. Et plus vous avancez, moins il y a de personnes, jusqu'à ce que vous soyez dans le noir total, et que vous deviez jouer des torches, que Sirius vous en passe. Okay. Et a priori, vous êtes plus vraiment dans les égouts à présent. Ça ressemble plus à des espèces de tunnels de maintenance ou. Mais vraiment des tunnels de maintenance qui sont même plus utilisés. D'accord. Et vous avez Sirius qui continue à déblatérer des histoires sur la fois où il aurait croisé un homme crocodile, ce genre de. Truc sans aucun sens. Je lève encore les yeux au ciel. Donc, vous continuez toujours à avancer. Et donc, vous... j'aimerais savoir, disons, dans quelle, disons, posture, entre guillemets, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement pendant un voyage. Moi, concrètement, je suis proche du colis. Très bien. Toi, d'ailleurs, Mike, bien entendu, en tant qu'homme plutôt récent du baron Samzi, tu as déjà visité le royaume souterrain à quelques occasions. Mais disons que tu étais resté dans la zone qui était « civilisée », entre guillemets. Voilà. Ouais, c'est la jungle. Ouais, je te précise juste un peu ça. Pour ma part, je me sens pas trop mal. Après, je suis juste accommodé par l'odeur des égouts. C'est rien. Et aussi par les histoires complètement farfelues de Sirius. Mais sinon, ça va. D'accord, très bien. Ok, moi je me sens super bien. J'ai l'air bien plus souriant que d'habitude. Je savais pas trop pourquoi, mais je me sens super bien. Et je suis bien. Il a l'air bien, celui-là. Et Pat? Moi ça va, je fais des blagues et tout. Je suis juste éboule de pas avoir pensé à prendre des binous, mais sinon ça. D'accord, très bien. Donc, a priori, aucun problème. Vous vous sentez plus ou moins en confiance. Pourquoi t'es alcoolique, c'est ça? Mais non, c'est référence à 0,22. Disons que après, malgré tout, pour ma part, je fais quand même, je suis quand même sur mes gardes, puisque. Oui, oui, bien sûr. Je veux dire, vous vous baladez pas en chantant et tout ça, mais disons que vous êtes pas non plus dans la. Dans la peur et tout ça. Si on est mais attentif. Voilà. Oui, voilà. Mm-hmm. Et donc, vous savez, ces tunnels de maintenant, si vous continuez à avancer. Plus vous avancez, plus les tunnels ont l'air d'avoir été complètement défoncés par tel ou tel thug qui est venu tout taper sur les murs à coups de batte de baseball. Non, pas de batte de baseball. De... enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a les tuyaux qui sont défoncés. Il y a, vous entendez le son singulier d'un tuyau avec du gaz qui est percé, ce genre de choses. Il y a de l'écho ou pas? Ouais, il y a de l'écho. Ouais. Et... dans cet écho d'ailleurs, il y en a certains, vous êtes certain que c'est pas vous qui les produisez. Oh merde. Moi je suis serein, je continue à fumer une autre clope quand j'ai fini celle-là. Tu as à faire. Et moi je veux absolument que tu fasses un roleplay avec une grosse voix comme ça. Non, mais justement, t'as une voix totalement défoncée si tu fais 4 clopes en 5 minutes. Non, c'est c'est normal. Il va bien, il va bien. C'est juste qu'il aura un cancer plus rapidement que les autres. Et vous, à un moment, vous surprenez une ombre furtive qui semble, qui vous fait penser à quelqu'un qui a couru derrière vous, ou entre vous même, parce que ça a l'air d'avoir été projeté par une de vos lampes. Et donc, il y a Sirius à ce moment qui s'arrête. Quelle est votre réaction à vous? Je me stoppe. Bah, moi aussi, ouais, je me stoppe. Je regarde partout. Enfin, je jette un peu autour. Vous regardez, vous retournez. Et, vous voyez que Pat est en train de jouer de ses doigts sur sa lampe. Il est con celui-là, c'est pas possible. Est-ce que tu parles vraiment? Moi, je souffle. Je dis, oh putain. Monsieur MJ, est-ce que t'as vu les messages privés que je t'ai envoyés? Oui, oui, pas de problème. Enfin, oui, j'ai vu tes messages. Donc, après ce petit moment où la pression est un peu redescendue, vous continuez à avancer. Comme j'ai déjà dit, les couloirs deviennent de plus en plus dégueulasses. Il y a des moments où vous avez des gros trous dans les murs qui semblent donner sur d'autres tunnels. Il y a un moment où en marchant, Sirius vous a fait signe de faire attention là où vous marchez parce qu'il y avait une espèce de gros trou et une partie du sol qui avait l'air d'être prêt à s'effondrer. Ou en regardant en bas, vous voyez qu'il y avait une espèce de rivière souterraine dans une espèce de caverne. Vraiment, le truc qui vous met bien en confiance sur le fait que vous êtes sûrement en train de marcher sur juste une petite couche de béton et en dessous, il y a du vide. Bah c'est pas un problème. À un moment, on va bien retomber à un endroit. Ouais, et tes chiens, ils savent nager? Ouais. J'espère, parce que je vais pas les chercher. C'est pas à toi de t'en charger. J'espère bien. Si tu tombes aussi, moi, j'aurais pas t'aider. D'accord. Et... vous arrivez face à une autre porte rouillée, encore une fois. Ça doit faire la cinquième ou la sixième que vous passez en faisant des passages, en choisissant une ou deux portes. Il y a des moments où Sirius avait l'air d'hésiter entre l'une ou l'autre. Il a réfléchi un petit peu, un petit moment, ce qui ne vous met pas spécialement en confiance sur ses capacités de guide. Effectivement. Et en ouvrant cette porte-là, vous arrivez dans un... Ça a l'air d'être un grand tunnel, plus un tunnel de métro qu'autre chose. On va se prendre un train dans la gueule, les gars. Celui-ci a l'air plutôt pas abandonné. Disons qu'il a l'air d'avoir des trains ou des trucs comme ça qui passent de temps en temps. Vous n'en avez pas vu pour l'instant, mais disons que vous voyez que c'est fonctionnel, quoi. Et Sirius simplement vous fait signe que c'est dans ce sens-là que vous devez continuer, enfin que vous devez, en s'incluant en lui-même, hein, continuer dans ce sens-là, en longeant les murs de préférence. Et vous avancez. Et je vais vous demander à chacun de faire 6 jets d'observation. C'est quoi la compétence du coup? Observation. Observation. Attends, c'est où ça? C'est dans la colonne physique. Bon, physique, chimique. Là, apparemment, je me mets la lampe torche dans les yeux. Donc, D'accord, très bien. 50. J'ai envie de regarder. Le mec, il a fait 49. Oh, 49. J'ai envie de regarder. Moi, j'ai fait 32 sur 50. Voilà. J'ai fait 50. J'ai fait 70 sur 50. D'accord, très bien. Donc, a priori, c'est 22 et Mike qui ont réussi, c'est ça? Ouais. Très bien. Il faut aussi que j'en fasse un pour messieurs les PNJ. Enfin, monsieur le PNJ. Et les chiens, ils peuvent pas avoir quelque chose? Bonne question, et je garderai cela sous silence. Oh. Vous avancez un peu dans ce tunnel en passant par certains carrefours et 22 et Mike, au dernier carrefour que vous venez de passer, vous aviez regardé un peu sur les côtés. Pat a essayé de regarder sur les côtés, mais il a eu un espèce de reflet sur un truc de verre ou un truc comme ça qui était posé sur le côté et il s'est à moitié aveuglé. Mais vous, vous remarquez qu'en regardant dans au côté droit du carrefour, vous êtes sûr de voir deux petites lumières rondes qui se balancent de gauche à droite et qui semblent bouger dans les couloirs. C'est pas juste un miroir à la con et nous qui nous piégeons. Non. C'est possible. Moi par contre, je mets mon... Et j'active mon flingue. Et je fais, tu sais, comme si je l'avais pas vu, ce truc. D'accord, très bien. Donc, vous continuez à avancer, toujours. Pat, t'essayes tant bien que mal de passer tes doigts. A priori, ça va, t'es pas aveugle à vie. Oh merde. Aucun problème de ce côté-là. Et vous avancez toujours, puis vous reprenez une autre porte qui était sur le côté, qui vous amène vers un autre tunnel de maintenance qui a l'air d'être abandonné. Sirius se retourne vers vous au moment et vous fait signe avec le doigt d'un petit chut, indiquant, je l'imagine, que vous devez être discret et vous comprenez qu'il faut que vous, devez faire un jet de discrétion. Tu vas voir un pote, il va faire 100, il va gueuler dans tout le couloir. Comment? Oh merde, c'est moi en fait qui a fait 100. Oh merde. Non, vraiment? Attends, je regarde si j'ai pas un... Ah non, si, c'est 100. Attends, j'ai combien moi en discrétion? Putain, mais t'es sérieux? J'ai fait 39 et c'est sur 40. Je fais tous mes jets à 1. De toute façon, je crois que personne... Enfin, la majorité l'emporte là. Donc, tout le monde... Tu vas voir, toi, tu vas avoir fait 100 comme moi. 70. 70, j'ai fini. Non mais s'il vous plaît, quoi, genre je suis le seul à faire. Ok, très bien. Moi je garde mes bons jets pour les moments importants. Hein. Ouais, en fait, en gros, t'as parlé avec tes dés, c'est ça? On est dans Gotham, un jet de discrétion, c'est important. Donc vous essayez d'avancer dans ce couloir de maintenance de manière assez discrète, même si la plupart d'entre vous ont leurs habits qui frottent les uns contre les autres en mode... il y en a un qui a l'air de trébucher un peu sur une espèce de tuyau qui avait l'air débranché. Il sursaute un peu et il donne un coup de pied sans faire exprès dans un des chiens. Pas un coup de pied violent, hein, mais un petit bump. Alors, cette personne me regarde très très mal dans les yeux. Alors que moi, je suis totalement discret. Moi, je suis comme dans les cinémas, il n'y a aucun bruit. Puis moi, j'ouvre mon paquet de chips, c'est le... Le petit chien. Le chien qui, pour le coup, après avoir avancé, à cause du bump, se met à grogner légèrement avant de reprendre son calme. Oui. Le maître est calme, il est calme. Hein. Oui, oui. Et vous entendez un petit bruit derrière vous. Qu'est-ce que vous faites? A priori, c'est le bruit d'une porte qui vient de s'ouvrir. Sûrement une des portes que vous venez de passer. Merde. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde en arrière déjà. Bah oui, je me tourne. Logiquement, c'est qui le plus au fond là? Toi, 22, de ce que j'ai compris, t'es juste derrière Sirius, c'est ça? Bah moi, je suis tout derrière. Je suis derrière Sirius et devant Paul Edward. C'est ça. Bon, on va dire que je suis tout derrière. Ok. D'accord, très bien. Donc, vous vous retournez. Et vous voyez qu'il y a une des portes qui a l'air de s'être entrouverte. Il n'y a aucune lumière de l'autre côté, mais vous avez l'impression de voir la silhouette d'une tête qui vous observe. A priori. Mais qui dit rien, qui ne fait rien. On va aller discrètement continuer notre chemin en regardant cette porte. Très bien. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde devant quand même, faut déconner. T'inquiète pas, je regarde devant. Oh, Amazon. Non, vous continuez à avancer avec certains qui... au bout d'un moment, ceux qui regardent derrière, vous voyez que la porte semble se refermer lentement. Putain, il y a des gens chelous ici. Vous voyez qu'au bout d'un moment, vous continuez dans ce tunnel et il y a Sirius qui parle un peu doucement et qui vous dit cet endroit, il sert un peu de refuge à certains types qui veulent pas être retrouvés. Mmh. Ouais, normal. Voilà. Le seul truc, c'est que la plupart des gens qui vont ici, c'est pas spécialement ceux qui veulent juste échapper à une dette. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous demande d'être un peu plus discret. Il y en a qui pourraient s'énerver. Je range mon paquet de chips. Très bien. Donc tu manges ton paquet de chips. Et moi, pour bien le faire chier, je fous une de mes clopes qui est à moitié finie. Je l'écrase d'abord sur ma main et je le fous dans son paquet de chips. Non, j'ai rangé. Hein. Ah oui, donc tu l'as rangé, d'accord. J'ai dit je range, pas je mange. Il le range, donc il fait un petit bruit quand même, mais enfin voilà. Non, je vous balance la clope par derrière, donc je sais pas qui c'est qu'il y a derrière moi. Oh, il y a sûrement Pat pas loin, mais ça tombe sur personne. C'est Pat, les sèches-feuilles commencent à brûler, et puis... c'est de la faute au black. Donc vous continuez pas à avancer dans ce tunnel de maintenance. Vous avez vu les murs qui ont l'air d'être recouverts de tags. Certains qui parlent de leur maman, des trucs qui n'ont aucun sens. Vous avez l'impression d'être en plein milieu de l'asile d'Arkham, avec des gars qui ont écrit dans leur cellule. C'est plus ou moins la même idée, quoi. Ils deviennent totalement tarés, quoi. Oui, a priori. A priori, c'est pas les gars les plus sains qu'il y a dans ce tunnel. Puis, vous repassez par une autre porte, et puis vous vous retrouvez de nouveau dans un autre tunnel de métro. Vous continuez à avancer. Ceux qui avaient déjà vu les lumières, encore une fois, un croisement, vous voyez une seule lumière qui a l'air d'être plutôt proche. Oui, bah c'est habité, on peut s'en douter, quoi. Oui, c'est ouais, ça. Mais c'est on n'est pas les seuls là. Sirius, Sirius, c'est quoi ces lumières là-bas? Chut. Attendez qu'on soit plus loin. Je vais vous demander de nouveau un jet de discrétion à tous. Je la sens la connerie venir, moi je la sens. Ouh, ça va, j'ai fait 9. Oh, je m'en sens. J'ai 27. J'ai de la chance sur mes gènes. Par contre, c'est sur combien je suis en train de me dire? Ok, c'est sur 40. D'accord, très bien. Donc, vous arrivez plutôt bien. Il y en a un qui fait une réussite critique. Et pour le bien de votre survie, je pense que je vais considérer que l'échec de Monsieur Thompson. Et racheté par la réussite critique de Pat. Il fait un saut en avant de deux personnes. C'est ça, c'est que Thompson, il était prêt. Thompson était un peu occupé à soulever son colis. Il n'avait pas vu l'espèce de ramor qu'il avait sur le sol. Il a un peu trébuché dessus, mais Pat, tu l'as rattrapé. En silence total. Et en passant devant Mike, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il a fait hop, hop, il a rattrapé. Et on va derrière. Enfin bref, vous êtes arrangé pour pas faire spécialement de bruit. Et bien sûr, comme Mike avait posé la question à Sirius, tout le monde s'est un peu rendu compte de la lumière. Et vous aviez tous remarqué que, à cette distance, qui avait pas l'air spécialement lointaine, mais pas non plus la plus proche, la lumière avait l'air d'être une espèce de vieille lampe à l'ancienne, vous voyez, une espèce de lampe à huile, qui était tenue par un espèce de vieillard, a priori, un peu tremblant. Mais dans la pénombre, c'est limite comme s'il n'avait pas de visage. Et vous avez continué à avancer, un peu plus loin. Et une fois assez éloigné, Hitler. Oula. Hitler est apparu. Moustachu, petit, avec un flingue. Oui, non, j'ai eu un petit bug là, mais. Sirius. Tu t'es trompé de scénar. Sirius donc répond à ta question, Mike. Il dit on les appelle les veilleurs. C'est on sait pas vraiment d'où ils viennent, on sait pas pourquoi ils sont pourquoi ils font ça, mais ils avancent dans les tunnels de métro. Et a priori, ils recherchent les gars isolés ou les petits groupes et ils les prennent par surprise à plusieurs. C'est un peu comme ces poissons, vous savez, qu'il y a dans l'océan. Avec leur lumière. Ah oui, avec le... Ça, quand vous vous approchez pour voir de quoi il s'agit, il y en a souvent une dizaine qui ont leur lampe éteinte autour. Mm-hmm. C'est des appâts, quoi. Oui. Sûrement. D'ailleurs, je suis en train de recharger mon flingue en même temps qu'il dit ça. Et après, je le remets dans le holster. Il y en a certains qui racontent qui cherchent les gens et qui veulent les donner à une espèce de créature qui vit sous la ville. Mm-hmm. Mais c'est des racontards. Hein. Je veux dire, vous savez que moi, je suis un homme sérieux. Je crois qu'aux choses réelles. Et il continue à avancer. Et en parlant de choses réelles, il commence de nouveau à discuter d'histoires de 1000 pas de géants qu'il y aurait dans les tunnels et ce genre de choses. Et je lève encore les yeux au ciel. En vrai, c'est charmant ce tunnel. Hein. Bon, pote, si c'est encore pour dire des enneries, tu peux les garder pour toi, s'il te plaît. Non mais moi je l'écoute mais genre je gueule pas en... Ah oui. Très bien. Donc vous continuez à avancer. Jusqu'au moment où vous êtes arrivé devant vous avez fait un petit tournant à un moment dans ce tunnel de métro qui vous a amené vers une espèce de coin. Vous savez, dans certains tunnels de métro, il y a des espèces d'arrêts, enfin de cul-de-sac où il y a rien du tout. Genre un petit détournement du truc et il y a un cul-de-sac. Vous êtes arrivé là-dessus, les rails n'ont même pas l'air de continuer vers ce cul-de-sac, c'est juste une espèce de curiosité architecturale. Et sur ce mur, il y a une espèce de grosse égoutille, comme si vous étiez dans un sous-marin. Super. Vraiment, le truc rouillé, mais avec une légère couleur dorée. Ils sont bizarres les égouts d'Arkham. Ouais. Si tu veux, on peut te lire. Robot. Oui, je rigole quand je disais ça. Très bien. Et donc, Sirius s'approche de cette ouverture. Et après que vous ayez entendu le petit bruit distinctif du fait qu'à présent, c'est ouvert, il l'entrouvre un peu, puis il s'arrête. Il se retourne vers vous, il fait « À partir de maintenant, si vous voyez quelque chose... » qui a l'air plus ou moins humain, que ce soit en chair ou en machine, vous le dites, et on doit partir le plus vite possible. En machine. Donc, on reste sur nos ailes. Très bien. Oui, en machine. Comment ça ? Et pendant qu'il continue à ouvrir les gouttilles, il commence à parler d'une petite légende que certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler. La légende de Wonder City, qui aurait été une espèce de projet de rénovation entre guillemets de Gotham qui aurait eu lieu en plein boom de l'ère industrielle, où il y avait certaines familles de riches qui voulaient faire de Gotham City un paradis sur terre, une espèce de ville indépendante du reste des États-Unis. Où tout le monde pourrait un peu faire ce qu'il veut, entre guillemets, en respectant l'ordre, mais disons, le rêve américain, quoi, vraiment, mais poussé à l'extrême. Ils ont échoué. Le truc, c'est qu'a priori, ça n'a même pas été généralisé à toute la ville. Et ça a été un échec et le truc a quasiment été recouvert ensuite par de nouvelles rénovations de la ville, ce qui a fait qu'il s'est retrouvé en souterrain, alors qu'à la base, il était à ciel ouvert. Ah, d'accord. C'est triste. Et il parle du fait que ces riches personnes étaient des excentriques à moitié fous pour certains, et qu'ils ont fondé une espèce de milice de robots qui seraient toujours dans les parages et qui parfois remontent à la surface pour enlever des gens. On ne sait pas trop pourquoi. Certains disent que c'est les robots qui essayent de se réparer avec des parties d'humains. Mais pour vous, ça vous semble plus comme une légende. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler, c'est une rumeur qu'on raconte aux enfants pour pas qu'ils s'approchent trop des bouches d'égout ouvertes, ce genre de choses. Et tandis que vous passez cette ouverture donc de quasi sous-marin, vous arrivez dans un endroit plutôt surréaliste. Vous avez l'impression d'être dans une ville complètement. Vous avez des rues, vous avez des bâtiments, mais c'est juste qu'il n'y a pas de ciel, il y a un plafond. Et tout ça est dans un style, disons pour généraliser ça au maximum, un style steampunk. Vraiment avec des espèces d'engrenages à certains endroits. Presque un truc, vous êtes de retour à l'ère victorienne, mais les engrenages. C'est extrêmement bizarre en fait. On doit être totalement. En plus, c'est un plafond, il n'y a pas de ciel. Ah oui, c'est ça, c'est. On doit être totalement. Ouais, ok. Donc vous avancez. Et Sirius, à des moments, il vous montre quelques endroits. Il disait, vous voyez ça? Dans ma jeunesse, il y avait encore un couple qui s'occupait de ce magasin-là. Ils vendaient des rats, je crois, quelque chose. Triste Mais époque. ouais, après ils sont partis à cause des machines. C'est terrible. Ouais. Puis il s'arrête, il se retourne vers toi, Mike, et il fait, vous n'êtes pas en train de vous moquer de moi par hasard? Et Non, c'est juste qu'en fait, on a. Il te fixe un peu avec un espèce d'œil fou qui a l'air de partir vers la droite. Je me moque pas de vous. C'est juste que, en fait, nous avons une mission et on doit la respecter et respecter l'horaire. Mon patron n'aimerait pas qu'on soit en retard. Ton patron, c'est mon patron, je te rappelle, d'accord? Oui, mais Et je ne me occupe pas de je te toi. dirais que dans la hiérarchie, je suis sûrement au-dessus de toi. Je Sûrement. sais pas trop. Mais en tout cas. Pour l'instant, c'est moi qui commande. Ah, mais je savais pas que tu étais dans le groupe. Il m'en a Je pas parlé me. de toi. Ça dépend. Ça dépend des heures, c'est ça? En tout cas, quoi qu'il en soit, j'accepterai pas que vous vous moquiez de moi. Je vais pas me moquer de vous, Parce voyons. que le jour où vous verrez une armée de rats qui viendra vous dévorer, commandé par un homme en armure, là vous direz, le vieux Sirius, il avait raison. Écoute, t'as sûrement raison. Très bien. Et il se retourne et il recommence à avancer. Très bien. Et vous continuez, et je vais vous demander à tous un jet d'observation. J'ai fait 50. 50 piles. Ah, j'arrive pas à attendre. 20 piles, donc ça passe. Très bien. Donc, pour ceux qui ont réussi au détour d'une de ces entre guillemets rues, vous avez vu dans une petite ruelle qui n'avait pas l'air d'aller très loin, véritablement une espèce de robot steampunk, complètement immobile, avec ce qui semble être deux lampes en guise d'yeux, mais qui sont éteintes. Je fais psst, psst, Sirius, il y a un robot là-bas, là. Et Sirius s'arrête, il tourne la tête très lentement, comme s'il avait peur que le moindre mouvement déclenche sa mort. Il se retourne, et puis une fois qu'il a la ruelle en visu, il s'arrête, et il fait « Ok, ne faites aucun mouvement, je ne sais pas vraiment comment il fonctionne. » Je demande à Sirius, très discrètement, on est sur des robots ou une intelligence artificielle? Ça marche et ça tue. Des robots. Mais du coup, moi je m'arrête, je me fige sur place. Après, donc, vu que Sirius lui aussi est complètement immobile, donc vous êtes tous immobiles face à cette espèce de machine qui a priori ne bouge pas. Et puis au bout d'un moment, Sirius il fait un petit pas vers la machine, mais un tout petit pas, vraiment. Limite, il n'y a vraiment pas eu de mouvement. Puis il en fait un autre un peu plus grand, puis il a l'air de sauter un peu sur place. Puis il se baisse un peu pour ramasser une espèce de pavé de la rue qui a l'air proche du reste. Et il la balance un peu, pas sur la machine, hein, mais dans la direction. A priori, il n'y a pas vraiment de réaction. Il fait « Ouf, ça va, celui-là est en train de dormir ». Je pense qu'on peut y aller. Si part, je pars, mais sinon. Voilà. Sirius recommence à avancer. Je suis. Pareil. D'accord. Donc vous continuez à avancer dans cette espèce de décor surréaliste d'une ville souterraine. Et il y a certains moments où, du coin de l'œil, vous avez cru voir. Une personne en chair et en os, ce genre de choses, mais disons que vraiment du genre qui vous regardait par une des fenêtres puis qui a disparu. Yeah. Comme si l'endroit, malgré les machines, même si a priori rien ne vous indique que ces machines soient vraiment actives, l'endroit a l'air tout de même habité. Mm-hmm. Puis vous arrivez. Oui ? Non, je vais juste demander à Sirius si c'est encore loin. On arrive à la gare dans pas longtemps. Ok. Et justement, juste le temps de dire ça, vous tournez à droite dans une rue et vous arrivez devant cette espèce de gare steampunk. Avec des engrenages un peu partout, des leviers partout et une espèce de grand train. Presque plus un train de chemin de fer, quoi, une espèce de locomotive. Mm-hmm. Mais qu'on peut avec. Enfin, je vous l'ai déjà dit, quoi, le truc steampunk. Et à deux étages, a priori. Donc, plusieurs wagons à deux étages tirés par une locomotive. Formidable. Il vous dit, voilà, c'est ça, c'est la ligne Wonder 3. Ah, du coup, moi, je suis content parce que je commence un peu à avoir mal au bras. Très bien. Tu veux que je prenne le relais? Spider-Man. Si tu veux, ouais, donc, je prends le colis à ce moment-là. D'accord, très bien. Donc 22 prend le colis par la suite. Sirius s'approche d'une des portes. Où tu disais, Thompson? Non, rien, j'y viens, je me tire les bras en fait. D'accord. Sirius s'approche d'une des portes du train et il essaye de l'ouvrir, il galère un peu, puis il donne un grand coup. Ce qui fait un espèce de grand écho dans ce qui vous semble être toute cette ville souterraine. Et il vous dit allez-y, entrez. Bon, on y va alors. Qui passe devant moi? Du coup, je rentre avec la main. Je rentre de façon très. Je sais pas le mot. Safe, quoi. Enfin, tu sais, je fais gaffe, quoi. D'accord, je vois. Vigilant. En restant attentif, quoi. Ouais, voilà, vigilant. Très bien. Bien. Donc, vous rentrez dans ce wagon qui est long. Et il referme un peu derrière. Et dans l'espèce de bruit de ferraille qui ne veut pas avancer, vous avez l'impression d'entendre quelques paroles qui ont l'air de venir de l'extérieur de la ville souterraine. Mais il referme rapidement. Il vous dit, ouais, vous pouvez poser le colis ici si vous voulez. Je le pose. Très bien, vous vous posez. Et vous voyez que tous les wagons, ou en tout cas ce wagon, a l'air d'être aménagé comme si c'était un salon. Vraiment, il n'y a pas juste tous les sièges et tout ça, c'est comme un salon. Je cherche le bar. Non, c'est pas un salon, c'est un salon. C'est forcément un mini-bar, un truc comme ça. Oui, il y a de quoi. C'est vraiment une espèce de salon en mode bourgeoisie de l'ère victorienne, quoi. Ah, d'accord. Des petites qui vont bien. Oh, oui, donc il y a carrément de quoi ils vivent là-dedans. Des petits verres en cristal. Champagne. Oui, donc toi, tu t'approches du mini-bar. Il y a quelques alcools, mais disons que tu sais pas trop si c'est très bien dégoûté, tu sais pas trop depuis combien de temps ils sont là. En tout cas, il y a du vin. Lui, il peut être que bon. Ouais, à l'odeur, je suis capable de reconnaître, en principe. Oui. En tout cas, il y a certaines boissons que tu comprends que il va pas falloir essayer cela. Et d'autres où ça a l'air d'aller. Pendant ce temps, Sirius, lui, a été dans la partie locomotive. Il a l'air de galérer avec quelques leviers, ce genre de choses. Et il vous a dit, allez-y, installez-vous. Commencez à faire un peu le tour des wagons, histoire de voir si on n'a pas un invité. Ok, je fais ça. Je sais pas si quelqu'un m'accompagne. Ouais, j'accompagne The One 2. Ah, ok. D'accord, très bien. Moi, je reste un petit peu, enfin, assez proche du colis quand même. Ouais, d'accord. Donc, Thompson et Mike restent près du colis, tandis que 22 et Pat. Je me mets 2 points américains au cas où. Très bien. Tandis que 22 et Pat partent à l'aventure. 22 et Pat partent à l'aventure, d'accord, ok. Très bien. Donc vous passez d'un wagon à l'autre. A priori, ils sont quasiment presque tous sur le même modèle, mis à part quelques petites différences, du genre un fauteuil, ce genre de conneries. Oh, ok. Truc déplaçable, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a un des wagons qui est un escalier qui mène à l'étage au-dessus. Comme je vous l'ai dit, c'est un train à 2 étages. Ah ouais, c'est vrai. Et en haut, ça a l'air d'être exactement la même chose. Ah ouais, en fait, c'est un bar. Il peut toujours y avoir un invité. Hein. Oui, bien sûr. Je vais chercher, vous demander un petit jet d'observation tous les deux. Ok. Moi, je me rallume un peu. Je garde une de mes mains à côté de mon flingue. Échec du coup pour moi. Très bien. Et Pat? Observation, là, naturellement, 25. Donc c'est une réussite. Très bien. Donc 22, a priori, pour toi, il n'y a rien d'alarmant. Ok. Tandis que pour toi, Pat, tu remarques qu'à l'étage, il y a l'air d'avoir une des vitres qui est brisée. Mais impossible de savoir si c'est récent ou pas, parce que c'est qu'une vitre. Mes chiens, ils font rien. Non, tes chiens reniflent un peu dans le coin, quoi. Ok. Ils font leur truc de chien. Donc tu vois qu'il y a une vitre qui est brisée et au wagon d'ensuite, tu remarques au plafond qu'il y a une espèce de tag où c'est difficile à comprendre. Ça a l'air d'être une espèce de vieux mélange anglais et d'une espèce de langage hispanique. Mais ça a l'air de parler plus ou moins de manger des ballons. Peut-être. Tu sais pas trop. Une espèce de truc qu'un mec bourré ou complètement allumé aurait écrit. Du coup, je peux comprendre. Je sais pas. Disons que, à y relire vite fait, je vais te demander. On va essayer de faire un petit jet de. Ah, c'est pas de la langue étrangère, mais de langue natale, on va dire. Que bon... Enfin, pour mélanger. Enfin... J'ai tellement bonne stats en langue en plus. Hein. Raté. Si c'est pas une raté. D'accord, très bien. Donc ouais, non, a priori, tu restes sur la compréhension de... ça parle de mettre des ballons dans une personne ou de les manger, tu sais pas trop. Ah d'accord. Manger la personne, peut-être. Avec un ballon. Et sinon, rien d'autre, du coup? Non, rien d'autre. Et c'est tandis que vous continuez un peu à explorer, mais qu'il n'y a rien signalé, le train a l'air de se mettre en marche, difficilement, avec un gros bruit de ferraille qu'on bouge, qui n'a pas bougé depuis longtemps, quoi. Ok, à ce moment-là, bah, on descend, genre, il n'y a rien à signaler. Très bien. Donc vous redescendez, vous rejoignez le reste du groupe. Tandis que le train continue à avancer, que Sirius s'assied à une chaise pas loin de la locomotive. Bon, moi je propose de boire à tout le monde. Non, merci. Non, non, pas, j'ai pas soif. Et je m'allume un bédo. Très bien. Et Thompson, un petit verre, la route. Ouais, désolé, je ne bois pas. Ah, c'est vrai, t'es asthmatique. Attends. Donc, c'est à ce moment-là, Quel je rapport m'écarte avec un peu quand même. l'asthme? Je ne bois Non, mais pas. je m'écarte quand même de Paul Edouard. Ah oui, bon, de toute façon, on est dans les égouts, tu parles, ça fait longtemps que. Ouais. Ok, donc là, le truc qui démarre, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, le truc a démarré, il commence Donc, si, plutôt lent. on le voit plus, alors enfin, non, mais on l'a pas en visuel, Sirius. Bah, disons que la porte qui vous sépare de la locomotive est ouverte. Donc on peut lui parler, il nous Et entend ou pas? vu le bruit que ça fait quand même, une espèce de. Non, il nous Faut entend parler pas. un peu fort ou aller le rejoindre, quoi, mais il y a Bah, moyen de discuter. du coup je me lève, je vais à sa hauteur, enfin je vais dans la salle des machines, quoi, enfin poste de pilotage, je sais pas. Et du coup, je lui demande, on va en avoir pour combien de temps? Tu vois que quand tu lui poses la question, il sursaute un moment, il fait Ah! Oh mon Dieu! Mais venez pas derrière les gens comme ça. Vous avez entendu parler, vous avez jamais entendu parler de Billy le tueur des conducteurs? Il me saoule déjà avec sa blague là. Non. Désolé. Ah, donc c'est quoi votre question? Dis, on va en avoir pour combien de temps? Bah, je dirais une petite heure ou une demi-heure, quelque chose comme ça. C'est que ça avance pas très vite, hein, ce bordel, c'est tout rouillé. Et On donc, a remarqué. une fois là-bas, il faudra combien de temps pour rejoindre le lieu du rendez-vous? Une fois là-bas, il suffira de prendre deux couloirs, un escalier, et ensuite on arrivera à une station. Et normalement, il y aura des gars qui nous attendent là-bas. Ok, bon bah ça devrait Ok, être. donc il y en a encore pour quoi, 1 heure et demie, 2 heures de Non, trajet. non, les couloirs ils sont pas longs après. Ok, dans 1 heure on est au rendez-vous. Ouais, quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Je préviens le gars qu'il y a pas un truc. Très bien. D'accord, cool. Moi, je tiens à dire que je m'en fous complet. J'ai plus de cigarettes. Je suis énervé. Oui, t'as tout fumé d'un coup aussi. Ouais, je suis désolé. Et donc. En fait, là, je regarde le paquet. Ah oh, putain, c'est des paquets, c'est des cigarettes sans nicotine. Je les balance par la fenêtre. J'ai une fenêtre dans le wagon. Oui, il y a des fenêtres. Il reste toujours là, quoi. Je dis ça, je propose. Hein. Toi, le français, me touche pas avec l'alcool. Racisme là. Mike, tu veux une top? Je veux bien, mais t'as rien mis dedans. Non, t'inquiète. Tu vois, je sors une clope totalement normale par rapport à ce que je suis en train de fumer. D'accord. Merci. Et du coup, moi, dès que j'ai terminé mon truc, eh ben, je vais boire avec Pat pour pas le laisser tout seul. D'accord, très bien. Donc vous installez un peu pour la petite heure ou demi-heure de voyage que vous. Et il y a Sirius qui déblatère toujours sur des légendes et tout ça. Mais il vous précise tout de même que, a priori, les gars qui ont disparu la dernière fois, c'était pendant le voyage en train. Ouais, pour l'instant, il est vide. Ouais. Bah justement, à l'arrivée aussi, il était vide la dernière fois. Mais lui, il était Ah. où? Bah, il est pas. Il est. Cette fois, il est juste là pour vous. Pas du coup, hein. Les gars, ils font ça. Vous avez des planches en bois de dispo ou un truc pour condamner une fenêtre? Parce qu'il y en a une qui est ouverte en haut. Bah, non, est-ce que j'ai l'air de me balader avec des planches? Jamais, il y en a peut-être. Mais lui, Sirius, ils ont disparu dans le train, mais toi, t'étais où quand ils ont disparu? Je sais pas, j'étais dans mon... chez moi, quoi, je veux dire, sous un... Ah, t'étais pas dans le train non plus, tu les as pas. Ah non, non, moi je suis là que pour cette occasion ici aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas du coin. Normalement, je fais pas partie de l'équipe qui fait ça. Ok. Enfin, des équipes, vu que maintenant on les a toutes perdues. Mais... Bizarre, tout ça. Dans tout ce qu'il y a autour, il y a moyen de condamner le machin ou pas? Genre, je sais pas, des bouts de bois, des trucs comme ça qui Ouais, traînent. tu vois deux, trois meubles que tu pourrais, une chaise, des trucs comme ça que tu pourrais défoncer pour te servir des trois planches et tout ça pour... Ok, du coup, je demande à Pat de m'aider au cas où ça se trouve, ça vient de là. D'accord. On va condamner le trou dans la vitre en haut. Ok, d'accord. Sinon, on peut mettre Pat devant la fenêtre. Il boit l'alcool, il met des gueules de par là. Et je vais vous demander à tous les deux, Patrick, enfin Pat et 22, un petit jet d'artisanat. Comme ça, en sachant que vous avez vos. Je pensais à dextérité, mais ok. Ouais, non. Artisanat, en sachant que vos deux jets vont s'entraider, quoi. J'ai art, mais j'ai pas artisanat. C'est quoi artisanat, hein? C'est dans connaissance. C'est parmi les premiers. Ok, j'ai 25. Après, pour les désosser, j'ai démolition. 67. Ouais, mais toi, tu vas pas les désosser, hein? Tu restes. À boire comme un vieux colique là. Donc vous essayez de vous débrouiller comme vous pouvez, vous défendez, vous posez les planches et vous essayez de vous servir des clous qu'il y avait déjà tapé dessus. Mais bon, déjà rien que de poser la main dessus et de secouer un peu, c'est tremblant, donc vous savez que... Oh, ça peut se casser, mais c'est au cas où tout est prévu, ça peut se gêner. Ouais, disons que oui, ça pourrait gêner. Qu'est-ce que tu dis, Pat? Il y a moins de courant d'air. Ouais. Donc vous revenez avec les autres ou vous... Ouais, on vient avec les autres, on dit qu'on n'a pas super bien réussi, mais ça devrait passer. Ok. Donc, puis vous, tout le monde s'installe. Vous voyez que Sirius, il sort de son espèce de gros manteau. Une espèce de bouteille d'une poche intérieure. Et il est en train de se bourrer la gueule complètement. Ouais, super. Bah, alors, vous voulez pas venir boire avec moi? Qui c'est qui conduit ici à moi? Je viens pas, hein? Ouais, bon. Je voulais. Ah, vous en inquiétez pas, je suis réactif. Si un truc est tombé sur la voie, il suffit de tirer ce levier-là, je crois, ou celui-là. Et puis on change de rail. Donc, là, vous faites les deux en même temps, ça va passer. Ouais. Sûrement. Je fais pas confiance à ce mec. Et donc vous essayez de rester plus ou moins attentif, hein, parce que comment vous... Oui. D'ailleurs, tes chiens 22 sont assis pas loin de toi. Hein, Oui, tranquille. Mais il y en a un des deux qui a l'air d'être plutôt mal à l'aise, disons. Okay. Disons qu'il bouge souvent, il va souvent à la porte qui mène vers les autres wagons. Et... Ok, je vais le chercher, je vais le calmer tranquillement. D'accord. Tu le calmes un peu, et comme il est obéissant, il arrête de fouiller partout. Mais du coup, je me demande ce qui se passe, parce que c'est pas habituel ce qui se passe. Il y a peut-être un truc qui cloche. Je préviens les autres d'ailleurs que c'est pas normal qu'un de mes chiens réagisse comme ça. D'accord. Donc, a priori, les gens prennent l'information. Rien de plus. Et vous... Après ça, vous passez un petit moment, sûrement 3 ou 4 minutes, à essayer de vous occuper ou de rester attentif, ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là où Tous, sans aucune, aucune exception, vous entendez un bruit à l'étage. Donc au wagon au-dessus. Je sens mon flingue. Par hasard, ce ne sont pas des planches qui pètent. Ça a l'air d'être un truc qui tombe au sol. Ouais. Je sens mon flingue. Moi, j'attrape mon couteau de combat à la cheville. Ok. Je sens ma machette, quand même, mon habitude. D'accord. Comme ça, tu peux recoller. D'accord, donc très bien. Donc, ces moments où il y a un bruit et tout le monde sort de manière synchronisée. Moi, ça fait. Sauf Sirius qui lui. Enfin, pas toi, tu restes dans le bar, c'est ça? Moi, je prends une bouteille de whisky dans le bar. Hein. Ah, d'accord. Donc, pas celui, il est pas synchronisé. Alcoolo! Pat, il sort ses paquets de chips. Genre, il va péter la bouteille contre un truc, il va commencer à se battre avec en mode totalement stylé. Mais non, moi je la lance pour recouvrir les années d'alcool, après vous dites. Et il y a Sirius, cependant, qui lui sort rien, mais qui regarde le plafond. Oui, le plafond. Avant de revenir sur la voie, il dit: oh mon dieu, on va tous mourir, ça y est, c'est les hommes top. Oh, calme-toi, connard. C'est les hommes top. S'il continue avec ces hommes top, je lui tiens une balle dans la tête. Toi, tu te calmes par contre. Bon, allez, tu viens avec moi, 22, t'as tes chiens, c'est des chiens de combat, non? Ils peuvent servir, mais. Non, mais voilà, ils vont servir de combat. Ah non, bah, ils y sont faits pour le combat à la base. Juste, je propose qu'on les attende ici. Et qu'on n'y aille pas à deux. Bon, on peut y aller tous les deux. S'ils sont 10, on est mal. Mais déjà, on va voir s'ils sont 10. Si, peut-être que c'est qu'une planche. On va pas y aller seul, on les attend d'abord. C'est-à-dire, vous attendez qui exactement? Bah, on en... peut-être qu'il va venir le truc. Ah, d'accord, ok, je vois. Par contre, je demande si on condamne la porte. On peut le faire. T'as cru que c'était un paradise ici ou quoi? Il faut qu'on aille voir quand même, parce que c'est quand même une cargaison. Et moi, mon patron, s'il joue la paire, il me tue. Bon, là, elle est dans notre truc. Il suffit qu'on bloque la porte entre les deux et déjà, ça leur retarde s'il y a des gens. Quoi. Tu veux la bloquer avec quoi, toi? Tu veux la bloquer avec quoi? Je sais pas, il y a bien une chaise. Oui, oui, c'est meublé, hein, je vous ai précisé, c'est meublé, il y a des fauteuils, il y a des meublé, tables. Enfin, ouais, je lui montre genre, je lui montre un fauteuil et puis voilà quoi. D'accord. Bon, bah viens, on va commencer à barricader. Ok, bah genre, mais ça contre la porte, déjà, c'est une vraie galère à rentrer. D'accord, très bien. Donc vous faites en sorte de foutre un fauteuil devant la porte. C'est ça. Thompson et Pat, pendant ce temps, vous faites quelque chose, vous dites quelque chose? Oh ben moi je reste à côté de la boîte avec mon couteau de combat bien en évidence et que je regarde un peu partout. D'accord, très bien. Je me focalise pas que sur les tâches parce que je me dis ça pourrait très bien être une diversion ou quoi. Ou... Je regarde un peu partout en fait. Ouais, je vois. D'accord, très bien. Donc vous. Il y en a qui foutent le fauteuil et d'autres qui restent un peu attentifs. Pat est plus occupé sur sa bouteille qu'autre chose, mais disons qu'il est enfin, voilà, attentif quand même. C'est vraiment la meilleure stratégie, donc je vais peut-être quand même sortir mon revolver. D'accord, très bien. Donc Pat commence à être un peu plus alerte. Et moi j'ai un peu peur parce que armes et alcool en même temps, c'est pas très rassurant. Mais t'inquiète. T'inquiète pas, si c'est tiré, je sais pas. Il y a un mec qui a à moitié drogué en mode totalement normal et l'autre qui a juste pris un peu d'alcool. Oh, ça peut être dangereux. Et donc, vous attendez un peu. 22, tu vois que tes chiens ont l'air un peu préoccupés par le plafond. Ouais, petit bruit, il y a des moments, mais ils sont pas agités du genre à sauter partout. Quoi. De toute façon, c'est assez rare qu'ils fassent ça à part quand je leur ordonne. Ouais, leur sauter sur place. Mais du coup... Du coup, a priori, vous êtes tous attentifs quoi, un peu sur les bruits qu'il pourrait y avoir tout de même. A priori, vous n'entendez rien, mis à part toi, Thompson, qui, je vais te demander un petit jet d'écouter. Alors, écoutez... Tu as 50, normalement. 50, ben, c'est pas bon. Ah bon? Voilà. Tu m'as dit 50, hein. C'est dans quoi? C'est dans quoi? 50, écoutez, c'est dans physique. Ouais, c'est ça. Bah non, c'est pas bon. J'ai fait 67. D'accord, très bien. Donc, sauf toi, Thompson, qui entend un espèce de bruit qui a l'air d'être, tu ne saurais pas trop dire, mais disons, comme quelque chose qui. Comme un mécanisme, mais qui pèterait, en gros, qui partirait en couille. Oh merde. En dessous, juste en dessous de toi, et. Juste en dessous de toi, quoi, en dessous de votre wagon. Oh. Donc, D'accord. un espèce de bruit métallique, comme s'il y avait un truc qui avait tapé sur un truc. Ce genre de choses. Nous, on n'entend pas, hein, c'est ça? Ouais, non, c'est Thompson qui entend Non. ça. Du coup, bah, est-ce qu'ils sont trop loin pour que je les prévienne comme quoi j'ai entendu un bruit? Non, ils sont dans ton wagon. Vous êtes dans le même Je wagon. dis, je les préviens que je viens d'entendre quelque chose qui vient de faire du bruit sous le wagon en fait. Ah, peut-être que quelqu'un nous a piégés. Sérieux? C'est normal ça? Normal quoi? Le Ben, bruit. c'est bruit là. Oh, ben c'est vieux, ça fait du bruit. Après, peut-être que c'est les hommes top qui ont prévu de nous assassiner. Ou T'es chiant alors, avec les hommes top, toi. vous savez, il y a. Quand j'étais aviateur, on parlait des Gremlins aussi. Ma tête, j'en ai Qui des rires, mais. devaient aller dans les avions et qui coupaient quelques mécanismes et circuits, ce genre de choses, et on finissait par mourir. Il y a peut-être une espèce de race cousine qui est dans les souterrains. Ouais, très sûrement. Toi, ils t'ont raté, par contre. Je lui demande, j'essaie de regarder si on s'est pas détaché des autres wagons, puisqu'on est censé être accroché ou. Ouais, donc tu Ouais. t'essayes de regarder, tu regardes par le t'essayes de regarder par la vitre qu'il y a sur la porte qui vous sépare des autres wagons, malgré le fait qu'il y a un pour vous isoler. A priori, il y a le wagon de derrière. Après, pour ce qui est de ceux d'au-dessus, impossible de vérifier sans passer la tête à l'extérieur. Ouais, Ce donc que vous c'est pouvez bon. faire d'ailleurs, hein. Il y a un écart entre les murs et le train. Vous pouvez le faire si vous voulez. J'ose pas trop passer ma tête en fait. C'est T'as peur sûr qu'elle se que. décroche à coups de panneau, c'est ça? J'ai peur juste de. Voilà. Il a peur du type qui attend au-dessus avec la hache. Voilà. Ah! Ah, ce mec, attends, t'inquiète, je fais rien. Mais Après, c'est un pote de l'alcoolo. si quelqu'un veut tenter, qu'il le fasse, hein. Bon, moi je prends la décision, je commence à monter, mais discrètement. À monter, c'est-à-dire que tu enlèves le fauteuil, c'est ça? Ou J'enlève le tu. fauteuil, je recharge l'arme et je monte. D'accord, donc tu veux monter. Est-ce que quelqu'un l'accompagne en voyant qu'il est comme ça? Non. Il y va tout seul. Bon, mais moi, y a rien là-haut, là. Ok, il y a eu un bug. Y a rien là-haut. Non, non, moi j'ai eu un bug. Il n'y a rien là-haut alors, du coup. Bah, y a rien. Ok. Y a rien du tout. Je suis allé Et. voir. Il y avait un truc sur la fenêtre ou pas? J'ai quelque chose qui m'a attiré l'œil. Créatures qui sont sur le plafond, mais j'ai pas prêté attention à plus de choses. S'il y avait quelque chose dans le wagon, j'ai pas cherché sous les sièges et tout. Je vais pas me faire chier. Je suis tout seul. J'étais tout seul là-haut, donc concrètement. Ouais, Voilà ok, quoi. bon, faut ça alerte. Par contre, j'ai laissé les portes ouvertes. Pourquoi? On sait jamais. Peut-être que s'il y a quelque chose qui veut venir nous voir. Si on laisse tout fermé, elle viendra quand même, elle réussira quand même à venir à rentrer ici. Et les fenêtres qui sont autour de nous, on est une proie facile dans ce wagon. Donc je préfère laisser les portes ouvertes pour avoir une sortie de secours. Ok. On sait jamais, peut-être que. Sérieux, il y a encore combien de temps? Vous voyez que Sirius, il a plus l'air d'être trop dans le monde réel, il est complètement. Ils sont à vous, il fait, oh, on arrive dans. 20 minutes? 15 minutes? Ok. 30 Ok. minutes? 2, 3 heures. Ah merde, on est en Chine. Ah! C'est inquiétant là. Ça, on s'est endormi entre deux. C'est ça. Bon voilà, et Ouais, vous ouais, attendez. Ok, bon, à moitié rassuré, je me repose. Ouais, j'ai quand même des doutes, mais bon, je lui fais confiance comme par la force des choses, ce qui est monté. Par défaut, moi je fais pas confiance à Mike, donc. Oui, mais bon, je veux dire, voilà, il est dans le même pétrin, on va dire, que nous, C'est entre pour ça guillemets, que je donc. fais confiance. Donc. D'accord. Alors si c'est un collab. Tu m'as pris pour qui? Si je devais vous tuer, vous serez déjà mort. Lol. Et mon patron m'aurait donné de l'argent pour vous tuer à vous. Donc concrètement, voilà. Et il m'a pas demandé de vous tuer, donc bah oui, sérieusement. Je pense Donc pas qu'il était concrètement, il mieux m'a laissé pas à demandé de vous mort. tuer, il m'a demandé surtout de vous protéger. Donc je suis là pour vous protéger, je suis pas là pour ne pas avoir confiance en vous. Moi, de toute manière, moi, c'est mon job. Et de vous faire sortir vivant d'ici. Sérieux, celui, c'est le conducteur, c'est tout. Donc, faites Bon, ce qu'il ça, dit et pas les je me sens rassuré alors. Très Avec un bien. sourire, évidemment. Très Ah, bien, moi, depuis tout à l'heure, je suis quand même joyeux. Hein. Personne ne Non, sait mais toujours là, pourquoi, mais je suis bon, toujours joyeux. je l'écoute, mais bon, c'est plus par Hiro, enfin, Et Jacques, voilà, Juif. c'est à ce moment-là où les gens qui sont le plus proche du colis, donc sûrement Thompson, Ouais. peut-être Pat, ça, si le minibar n'a pas l'air d'être très loin du colis. Je suis assis. Oui, donc pas loin. Vous êtes sûr d'entendre des petits grattements, peut-être venant du colis ou de quelque chose pas loin. Ah Venant du putain. colis? En tout cas, des environs du colis. C'est peut-être dessous. Du coup, bah, je prends le colis et je le déplace. D'accord, donc tu soulèves un peu le colis, tu sens taper un peu contre. Je sens quoi? Tu sens que ce qui est à l'intérieur du colis a un peu bougé. C'est Je dedans me qu'il dis pas a que je fait transportais des bouger. chats. D'accord. Du Donc coup. tu le reposes à côté. Et a priori, Ouais. pour l'instant, c'est un peu le silence. Est-ce que tu essayes de. Enfin, j'imagine que tu tends l'oreille pas loin du colis pour vérifier. Ben oui, enfin, si ça a l'air de ça vient du colis, je m'assurerai que. Très bien. Donc, je vais t'envoyer en privé ce que tu entends. D'accord. Ok. Très bien, me D'accord. voilà de retour. Ben du coup les autres ils me voient un peu troublé, enfin, un peu comme si j'arrivais pas à comprendre ce que j'entends en fait. Quelqu'un de troublé, ouais, quelqu'un de troublé quoi, quelqu'un de D'accord. limite est-ce que j'entends bien, enfin, est-ce que voilà. Très bien, d'accord. Donc, pendant que Thompson est troublé un peu, à se dire que bon, on se rapproche de plus en plus de la fin du voyage. Et c'est à ce moment-là que il semble, enfin, que quelque chose semble taper sur le sol qui est à vous et votre plafond. Et taper, pas juste un bruit, genre c'est vraiment quelqu'un qui a l'air de s'acharner sur. Qui a une espèce d'objet contondant et qui tape trois fois, quatre fois. Puis qui s'arrête et vous entendez comme des pas. Je rigole. Ok, En bah là pensant que du c'est coup juste un. je suis avec mon couteau de combat, mais quasiment devant ma tête. Genre comme si prêt à me défendre si jamais il y a quelque chose qui arrive. Concrètement, Et c'est du coup. Et du coup, bah, par rapport à ce que j'ai entendu du colis, je me mets vraiment devant le colis. D'accord. Très bien. Les autres? Moi, bah, je reprends la machette que j'avais rengainée. Très bien. Pat? Moi, je compte au quelques-uns, je me flingue à la fin. D'accord, très bien. Donc, pas très tranquille. Bah, j'essaie juste de pas être en dessous, l'endroit où il est, mais bon. D'accord, ok. Et donc, après ces bruits que vous avez entendus à l'étage, vous entendez toujours des espèces de petits bruits moins violents, mais quelqu'un qui a l'air de marcher, mais qui a pas l'air de quitter le wagon au-dessus. Alors comme si quelqu'un déambulait vraiment en façon comme une espèce de zombie qui déambule dans la salle quoi. Vous voulez que je retourne aller voir les gars? Vas-y pas tout seul cette fois. Bah, tu viens avec moi alors. Ouais t'inquiète. Non mais voilà. Vas-y et prends tes clés bas. Hein, ouais. T'inquiète pas, hein, ils vont pas rester ici sans moi. Je demande à moi de mon côté, je demande à Pat de vraiment rester focus et limite de se rapprocher plus de moi et du colis. Bon, mais t'inquiète pas, ça doit pas être grand chose. Bon, du coup, je te demande pas, je dis viens. Je dis quand même, faites gaffe, ça se trouve, on va pas le trouver, il sera peut-être déjà sur vous quand on arrivera. S'il y a quelqu'un d'ailleurs. Il est où Sergius là pour apprendre? Sergius il est genre limite dans le wagon d'à côté en quelque sorte, si c'est la locomotive. Il y a une porte ouverte qui vous sépare, c'est tout. Enfin qui vous sépare pas vu qu'elle est ouverte. D'accord. Donc du coup tu viens 22. Là sur tes arrières. Très bien. Donc vous partez tous les deux, vous avancez d'un wagon à l'autre. Encore et encore. Et au bout d'un moment. Vous arrivez aux escaliers, vous montez. Les autres qui sont restés dans le wagon initial, qui déambulent au-dessus. Et je vais passer en privé avec les explorateurs. Les découvrons. Bon, on ouvre la boîte. Non. Alors, je crois que t'étais curieux. Mais après, du coup, je te dirai justement ce que j'ai entendu. Je profiterai de qu'ils sont pas là pour te dire ce que j'ai entendu. Ça me travaille en fait. C'est quoi? Mais j'entends, en fait, dedans, j'ai entendu comme des petits pleurs, comme un petit enfant en fait qui est apeuré et qui pleurniche, tu vois, mais qui se cache un peu dans une boîte. Je lui dis, oh, arrêtez, mais si mon perso apprend qu'il y a un gamin dedans, il laissera pas passer. Mais c'est pour ça, donc là, moi, ça m'a perturbé parce que je m'attendais pas à entendre quelque chose comme ça, quoi. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de te rapprocher de la boîte. Parce que c'est jamais. Faut le protéger, quoi. Mm-hmm. Et surtout si c'est bien ce que tu dis dedans, il faut surtout se barrer. Oui, enfin déjà on va quand même attendre. On va quand même attendre les deux autres. Si jamais ils reviennent, on aura plus de chance à 4 que. À deux dans un endroit qu'on connaît pas quoi. Surtout que là le train est en marche. On va pas commencer à. Mais ouais, ce qui me surprend c'est que malgré tout, c'est une boîte qui est assez lourde, mais le gamin doit pas être très grand si c'est ça. Moi je dis dès qu'on a l'occasion, on ouvre la boîte, on verse dedans et si c'est effectivement un gamin, on sort, on fout des bouteilles à la place ou un truc comme ça. Ouais, enfin, faire attention parce qu'il y a quand même Mike. Moi je veux, si c'est un gamin dedans, je veux le savoir. Je ne laisse pas vos mecs qui sont dans les sous-sols comme ça. On est en train de réfléchir si on l'ouvre ou pas. Parce qu'à la limite, si il faut l'ouvrir, il faut l'ouvrir sans que Mike sache qu'on l'a ouvert. Mais après, en même temps, si on ouvre, si on ouvre la boîte, que on arrive à aller jusqu'au lieu de rendez-vous et qu'au lieu de rendez-vous, la personne se rend compte que ce n'est pas à l'intérieur et que ce qu'on a mis et c'est juste pas bon, comment on gère la situation? C'est ça le truc, parce que il faut, enfin, limite, il faut qu'on sache comment réagir en fonction de. T'imagines qu'ils vont contrôler le contenu, ou alors est-ce qu'ils vont se barrer avec la boîte? Je pense pas qu'ils sont devant nous, c'est un truc secret qu'ils veulent absolument pas qu'on sache, ils veulent pas devant nous. Ouais. Ouais. Mais après, le problème, c'est que on risque de auquel cas de créer des tensions entre Patrick et le baron samedi. Il n'a pas mis ce qu'il fallait dedans. Pour cette trahison du baron samedi, genre en mettant un message du genre je t'ai mis en culé. Ben oui, mais c'est ça le truc. Le truc, c'est que. On va peut-être créer des tensions entre Patrick et le baron samedi par la suite. Vu qu'on est censé représenter Patrick, si on a changé le contenu de la boîte, on va créer des tensions. Rebonjour. Rebonjour. Vous avez pris une décision? Moi j'ai écouté. Disons qu'il y a un pour et un contre. Il y en a un qui veut, il y en a un qui veut pas. Moi je veux pas et lui il veut. Moi je colle mon oreille contre déjà. D'accord, donc tu colles ton oreille contre. Et c'est quand même étouffé, mais il y a là peut-être un petit bruit. Tu sais pas trop si c'est un mouvement, quelque chose qui frotte ou une petite respiration difficile. J'essaie de toquer légèrement contre le bord de la boîte. D'accord. Donc tu toques et peu importe le bruit que tu avais entendu, il s'est arrêté. Bon, on va ouvrir. De quoi? Moi je veux ouvrir. Après, est-ce que l'on fait quelque chose avec ce qu'il y a dedans? Je sais pas, mais moi je veux ouvrir. Moi j'essaie quand même d'essayer de te raisonner, parce qu'en même temps je pense que je me dis il peut y avoir des conséquences par rapport à ça, et surtout le baron samedi nous l'a bien expliqué, il voulait pas qu'on ouvre la boîte en aucun cas, et donc ça me ferait quand même chier de créer des tensions entre Patrick et le baron samedi. Oui, mais par bon, la suite, quoi. C'est ça qui font qu'obéir à leur patron, tu sais ce qui leur arrive. Bah, ils vivent. Ouais, justement, ils sont sacrifiés comme des merdes parce qu'ils n'ont pas montré qu'ils avaient pris. Et donc, pendant que vous argumentez, désolé de vous. Mais vous. Pendant que vous essayez d'argumenter à voix basse, j'imagine. Pour savoir ce que vous devez faire avec cette boîte, vous entendez un tir qui vient dessus. Tandis que juste avant les bruits de quelque chose qui déambulait. Vous entendez un tir. Et le bruit de déambulation devient un espèce de truc comme si on tapait sur le sol, sur votre plafond du coup, à plusieurs reprises avant de se calmer à nouveau. Et plus rien. Je suis en train de me dire, est-ce que l'arme qu'on vient d'entendre serait pas celle de Mike? En mon souvenir, il avait une arme à feu. On n'entend pas des chiens qui aboient ou quelque chose de... Pas de... Non, pas de moment. Un peu les doigts à la tête levée, j'ouvre la boîte et je regarde. Très bien, d'accord. Très bien. Donc tu diriges, enfin tu diriges, t'es à côté quoi, mais je veux dire, tu fais le mouvement pour te... Tu te baisses, tu ouvres la boîte. Et tu vois qu'à l'intérieur, il y a une espèce de sac, une espèce de sac à patates, un truc comme ça. Et il y a une petite tête qui dépasse du sac, qui a l'air d'être un enfant, si ce n'est qu'il a il a un bandeau sur les yeux et un dans la bouche pour l'empêcher de faire du bruit. Okay. Et bien sûr, avec le bruit, tu refermes vite. Thompson, toi, dans le bruit et tout ça, et dans le mouvement, du coup, tu as tourné la tête vers Pat et ce qu'il faisait avec le bruit de la boîte qui s'ouvre. Et tu as eu, toi aussi, tu as pu voir ce qu'il y avait dans la boîte. De manière moins précise, mais tu as vu qu'il y avait quelque chose de vivant. Je referme vite et je lui fais il faut monter. Du coup, je le regarde, je suis un putain. Ok, enfin maintenant la boîte est ouverte de toute manière. Parce que la boîte, elle était fermée comment? Elle s'était fermée bien comme il faut ou on peut l'ouvrir et la fermer sans que ça sache? Non, on peut l'ouvrir et la fermer sans problème, c'est un truc avec une poignée. Pardon? C'est un truc qui peut s'ouvrir et se fermer sans problème avec une poignée. Ok, d'accord. Ouais, bah écoute... S'il y a un problème, je prendrai tout pour moi, t'inquiète pas, faut juste que tu me donnes une occasion de sortir les mains. Ouais, je vais le voir, enfin, je dis bon, écoute, allons-y alors. Mais le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'il en est de Mike et de 22. Qu'on la joue? Parce que là, on est dans un terrain qui avance quand même, là. J'entends plus rien. Est-ce que ça vient de moi ou quoi? À la limite, je sais pas, on me fait passer pour mort, pour me laisser en arrière. Pendant ce temps-là, j'en ai mis des mains, j'en sais rien. Mais il faut se démerder pour s'en sortir. Ouais, bah écoute, j'avoue, je suis un peu perdu parce que entre le gamin, mais on est clairement dans un moment un peu délicat parce qu'on sait pas où ce qui sont les autres, ce qui s'est passé là-haut. On est dans un train qui avance. On a cette boîte avec ce gamin dedans. Et Sirius, il est toujours dans un état second là. Il sait pas où il est. Oui, il est complètement bourré, même s'il fait son boulot de. Bon, reste là, je vais voir ce qui se passe en haut. Ok, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je prends la boîte et je me dirige vers Sirius avec la boîte. D'accord. Et je, du coup, au passage, je demande à Sirius, on arrive dans combien de temps, Sirius? Sirius, il se retourne un peu vers toi avant de regarder de nouveau devant lui. Ouais. Ou 6. Combien de temps? Entre 4 et 6. 4 et 6. Un truc du genre. Ouais. Ok. Tu peux pas accélérer, ça avance pas ce truc là. Je suis déjà à fond là. Ok, d'accord. Et donc, pendant ce temps, Pat, donc tu te diriges vers la porte que vous avez, qui mène à un autre wagon en disant que tu dois aller vérifier ça. Ouais. Tu ouvres la porte et tu vois que dans le wagon juste à côté, il y avait quelqu'un qui était en train d'avancer vers votre wagon. Mmh. Un espèce de type habillé en lambeaux, avec des morceaux de trucs en ferraille sur son bras droit. Je le vois les autres ou pas là. Non, non. Il y a juste un type qui est en train de se diriger vers votre wagon, que tu as vu en ouvrant. Qui est habillé en haillons avec des morceaux de ferraille. Mmh. Et avec un visage un peu comme si c'était un gueule cassé, quoi. À la chirurgie. Non, non, il est debout. Et il est en train d'avancer. Il était en train d'avancer vers votre wagon. Quand ouvre la porte, il se fige. Tu vois qu'à sa main, il a une hache. Très bien. Je vais juste faire signe aux autres de revenir. On est mort. Très bien. Donc, Mike et 22, vous êtes redescendu à l'étage en dessous. Vous avez traversé les wagons. Et au bout d'un moment, vous avez vu qu'il y avait un type qui est en train de se diriger vers le wagon de vos collègues. Un type en haillon, avec de la ferraille sur le bras droit, une hache dans la main gauche. Vous êtes... c'est-à-dire qu'il est à l'entrée d'un wagon, vous êtes... Vous venez de voir ça, et vous entendez une détonation. Pas, je vais te demander ton jet de d'armes. Tu tires avec quoi déjà? Putain, mais s'il fait exploser, nous on va être décroché du wagon, donc on va devoir courir dans le wagon. Ok, donc je vais te demander ton tir de d'armes de poing avec un petit malus, mais tout petit. Donc fais-moi un jet d'armes de poing. Voilà. T'as fait combien? Très bien, d'accord. Donc tu tires, tu visais un endroit particulier ou... D'accord, très bien. Donc tu as essayé de viser vite fait la tête parce que sinon, faut tirer le plus vite possible, quoi. Et tu tires un coup, tu vois que ça a l'air d'avoir touché à la tête, en effet. Tu vois qu'il fait un mouvement, il a l'air de tomber en arrière. Mais... Les gens qui remarquent, enfin qui ont vu cette personne, c'est-à-dire Pat, et les autres personnes qui sont derrière cette créature, entre guillemets, ce type vachement chelou, vous voyez qu'il tombe en arrière et qu'il a l'air de rouler sur lui-même pour se remettre debout. Ben moi je lui tire dans la tête. C'est colosse, je le retire. Moi je tire dans la tête, mais pas derrière. Pour le faire dire, pour lui montrer qu'on est là aussi devant toi, donc non. T'es juste petit, je te pousse et je tire, moi. D'accord, très bien. Donc, Mike, je vais te demander toi aussi un d'armes de poing. Mais toi, tu vas avoir un malus un peu plus important parce que tu pousses monsieur, donc ça va être un peu difficile pour tirer de manière plus rapide. C'est pas derrière, c'est-à-dire qu'il est en face de moi? Non, non. Là, genre, Mike est face à face. C'est-à-dire qu'il y a Pat, il y a une certaine distance, il y a l'inconnu. Et il y a une certaine distance, et il y a 22 et Mike. Un peu comme ça. Malus, c'est de combien? Parce que moi, j'ai fait 31 et j'ai 30. T'as fait 31 Et t'as 35. Ok, donc tu tires, mais tu le tires, dans le wagon. Et là. C'est possible. Non, il le met bon. À moi, je pense. Allez, au revoir, Pat. Et vous voyez que la créature, donc, qui avait fait son mettre debout de manière extrêmement fluide, c'est genre, il s'est pris la balle, il est tombé, il a continué à... et s'est remis debout. Après avoir entendu l'autre tir des gars derrière lui, il se met à faire une espèce de hurlement strident, un truc que vous pouvez juste imaginer d'un espèce de porc qui est en train d'être égorgé. Oui, tu peux. Ça, je vais entendre un jeu de... Ouais, de dressage, mais ils sont quand même obéissants, mais... Ok. Oh merde. J'ai fait 1. 1, magnifique. Bah, sur 56. Donc t'as tes deux chiens qui partent en courant, qui dépassent Pat. Enfin non, qui dépassent... Qui dépassent Pat. Mike. Ils sont... Désolé. Ils sont vraiment en courant, ils se cassent. Attends. Attends, t'as dit je vais faire le lead à mon cousin, j'arrive. Donc tu... Les chiens dépassent Mike, courent vers la chose qui vous fait toujours dos, enfin qui vous tombe toujours le dos, et lui saute dessus. Pat, pendant ce temps, t'avais dit que tu recommençais à tirer si vu que. Si je vois les chiens arriver dessus, je vais pas tirer. D'accord, donc tu tires pas, tu le gardes en joue. Thompson, toi t'as commencé quand même en... Est-ce que tu. Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi de toute façon, là, ils sont en train de s'en occuper. Pas grand chose, sauf que ma seule arme c'est une arme plutôt de combat. Du coup, je reste vraiment à côté du paquet et je suis à côté du coup de Sirius. Et j'imagine, comme je suis dans la zone de conduite, normalement il n'y a qu'une seule entrée possible. Enfin, je ne peux pas être. Oui, c'est ça. Donc du coup je surveille l'entrée. Qu'il n'y ait personne d'autre qui arrive si jamais il n'avait rien à dire. D'accord, ok. Donc tu surveilles depuis ton coin. Pendant ce temps, donc du coup, Pat, toi tu gardes le type en joue, tandis que les deux chiens foncent sur la chose. Il y en a un qui s'attaque à sa jambe, tandis que l'autre saute pour a priori s'attaquer à sa gorge en quelque sorte, même s'il est du mauvais côté. Le type se fait mordre à la jambe et vous voyez qu'il continue avec son espèce de hurlement inhumain en essayant de se retourner pour sûrement donner un gros coup de hache dans le chien. Tandis que l'autre lui saute au visage, si ce n'est qu'avec le bras avec sa hache, il le passe devant et se fait mordre le bras avec la ferraille. Donc le chien galère un peu à saisir ça entre ses dents. A priori, le gars est en train d'essayer de lutter avec les chiens, il est à moitié à genoux parce que l'autre le tire de la jambe. Mais il y a encore peu de temps avant qu'il commence à donner des coups de hache dans les chiens. Moi je donne l'ordre, mais est-ce que je peux agir moi? Oui, tu peux agir maintenant. Ok, est-ce que je peux lui mettre un coup de hache dans le vide? D'accord, donc tu vas devoir courir vers lui cependant. Oui. Je vais te demander un petit jet de... c'est quoi déjà les armes contendantes? Il y a arme blanche, non, il me semble. C'est... Non, arme tranchante, c'est ça. Vas-y, fais-moi un petit jet d'arme tranchante. Je prends pas un D20. Il est temps de baptiser cette machette de manière officielle. Bah, c'est déjà fait. Ouais, mais de manière officielle. 32. Et 32, donc... très bien. Donc t'arrives, tu cours là-dessus, tes chiens savent un peu comment tu opères. Tiens, la jambe tire un peu plus pour essayer de le faire quasiment tomber au sol et te donner un angle d'attaque facile. Donc tu donnes un gros coup de machette dans son bide. Tu vois que ça a fait un certain effet, en effet tu viens de lui ouvrir le bide. Puis tu retires la machette et il continue à hurler, sauf que a priori, il y a en effet de la douleur, ça se voit dans la manière dont il bouge et tout ça, mais il a l'air d'être toujours dans l'idée de combattre. Et il se met à hurler, à faire presque des mots dans ses hurlements, mais incompréhensibles, comme s'il parlait quasiment une espèce de langue antique et préhumaine. Pendant ce temps, les autres, donc... bon, Mike est pas de retour, mais Pat et Thompson, s'il veut faire quelque chose. Bah avant que le mec commence à donner le coup de hache, moi je voudrais rengainer et lui mettre une arme droite dans les gueules. D'accord, donc tu rengaines ton flingue, tu le diriges vers le type toi aussi, tu cours pour y aller. Tandis qu'il est en train d'essayer de ressaisir sa hache qu'il avait fait sous le coup de la machette. Tu lui fous une espèce de droite dans la gueule, même si t'arrives par derrière lui du coup parce qu'il s'était retourné vers le chien, mais tu lui... il l'a senti passer, on peut le dire. Vas-y, fais-moi un petit jet de ce que tu sais faire le mieux. Donc, arts martiaux. Trois, ok, putain, quand même. Donc, t'arrives, tu prends ton élan, t'arrives, tu le fais une bonne droite. Tu vois que t'as une partie du crâne qui est partie. Tu sais pas si c'est toi qui es vraiment dans une période de surhumain. Ou c'est lui qui était vachement fragile. Toute la partie arrière de son crâne qui vient de partir. Tu vois sa cervelle qui est en train de se répandre sur le sol, mais il continue à bouger. Ok, c'est un zombie. C'est de la cervelle, probablement. Enfin, zombie, oui et non, parce que normalement, un zombie, tu lui retires dans la tête et il finit. Mais là, il a déjà le cerveau, donc. Faut couper le cerveau seul. Oui, je veux dire, un deux chope la hache. Je sais pas si j'ai moyen de le choper déjà. Il faut lui trancher sur la tête, hein, je sais pas. Fait... Et bon, il est temps que je fasse faire quelque chose à ce monsieur parce que pour l'instant c'est. Ouais, genre, j'ai jamais là. D'accord, très bien. Il a quand même tout de même saisi sa hache malgré le fait qu'il ait la moitié de son crâne qui est parti s'étaler sur les fauteuils à côté. Et il essaie de donner un grand coup de hache devant lui, donc dans la direction de 22, qui est quasiment encore à corps avec lui aussi, mais de face. 22, je vais te demander un petit jet de esquiver. Tu as 40. 22. 40. Ok, merci. C'est triste. Sur ta tombe, je te passerai des clopes, des bottes de clopes, si tu veux. 25. J'arrive pas à lire de nuit. Ok, très bien. Donc, il te donne un grand coup de hache. Toi, tu recules. Tu sens que la hache ne te tranche pas, mais elle a du coup. Onde de choc à ce point. Disons qu'elle a déchiré ton habit et t'a un peu emporté dans le mouvement, si tu vois. Ah. Ok, je vois. Donc, t'as été déstabilisé, t'es un peu à moitié. Et plus que. Ouais, normal. Enfin, ouais. Là, quand même. Bon, j'ai fait mourir là. Ouais, ouais, et voilà. Je veux dire, un peu plus et déchirer le bide. Ah, bah, un peu comme moi. Attirer les. Ouais, voilà. Il essaye. Il se prépare à redonner un autre coup avec. Mike, tu veux faire quelque chose maintenant que je suis de retour? Ouais. Je prends mon flingue, je tire sur la bête. D'accord, très bien. Tu prends ton flingue, tu tires. Tu tires avec quel flingue? Mon flingue à moi. Ouais, ton pistolet classique. Oui. Parce que j'ai pas pris l'autre. Ah, d'accord. Ok, donc. Arme de poing. 63, désolé. Je suis désolé, mais ça tombe sur D'accord, on t'essaye de lui tirer dessus, c'est un peu difficile parce qu'il y a 22 et ses chiens qui sont un peu devant. Bah, tu tires juste dans le fauteuil qui a, enfin dans la table qui est à côté, quoi. Un peu perturbé par le fait qu'on a une immense droite dans la gueule, je viens de lui manger un morceau de tête. Oui, c'est possible. En ce moment, genre, il a un trou dans le bide et il vit encore. C'est ça. Et la bestiole qui. Enfin, on va l'appeler la bestiole, la créature pour l'instant, vu que ça a l'air pas très humain. Essaye de donner un autre coup de hache, sauf que c'est presque plus une espèce de truc pour faire reculer 22 et ses chiens. Le chien qui mordait son bras d'ailleurs a reculé, hein, parce que c'est difficile de bouffer de la ferraille. Oui, normal. Donc il a reculé, il attend le bon moment pour de nouveau lui sauter dessus, quoi. Et il est en train de commencer à hurler de force. Donnez-moi le jeune sang, donnez-le-moi! Et il se prépare à redonner un coup de hache, sauf que cette fois-ci, c'est un coup de hache pour tuer. Oh. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Moi, je vise dans Attends, Pat, parce que c'est le dernier, enfin, c'est celui-là qui est le moins. Quelque chose d'autre? Moi, je vais essayer de m'interposer, de choper le manche de la hache et de lui arracher. Ok, donc ça va pas être des arts martiaux, tout de même, je pense que ça marche dans la lutte. Bon, je vais te demander de faire un petit. T'as 25 du coup. Ça va. Putain, j'ai refait un 3. Léger. Très bien. Je change tes dépités et prends un autre. Donc, il se préparait à mettre un grand coup de hache. A priori, vu l'angle qu'il avait l'air de prendre, c'était défoncer le chien qui est en train de lui mordre la jambe. Et donc, Pat, t'arrives, tu prends la hache, tu la tires d'un coup. Il y a un bras qui part avec. Le bras qui avait de la ferraille. Qui part avec la hache, qui lâche bien sûr la hache et qui va se jeter à l'autre bout du wagon. T'as à présent la hache dans les mains avec la chose qui est en train de hurler. Qui, a priori, ne peut plus faire grand chose. Le bras, c'est du métal, on est d'accord. Le bras a une espèce d'armure en ferraille, mais a priori, il y avait quelque chose sur la ferraille. L'épaule, elle est en chair ou pas? Oui. Ok, je peux tenter de mettre un coup de machette dans l'épaule. Je vais peut-être juste pour désactiver son bras ou je sais pas. Enfin, peut-être le couper même. D'accord, donc tu veux le couper son deuxième bras, quoi, vu qu'il y a l'autre qui est parti avec la hache. C'est ça. D'accord, très bien. Donc fais-moi de nouveau un jet de. Arme tranchante. 26. Très bien. Oh oui, mais t'as quelque chose de bon, il me semble. Paul, il fait quoi en fait? On ne peut pas. Paul, il a l'air de rester avec le conducteur et de protéger. Ok. Donc, toi, 22, quand tu donnes un grand coup de machette, bras qui lui restait, tu vois bien que l'épaule a l'air d'être de s'être séparé du truc, mais il est toujours relié par du. Non, ok, je vois. Mais a priori, tu l'as bien défoncé, quoi. Et après ça, je suis un petit peu en arrière, etc. Et vous, pour ceux qui sont... Ouais, toi, tu fais un petit pas en arrière. Pat, je sais pas exactement ce qu'il fait. Mais avant qu'il agisse, il peut voir que la créature est en train de se contorsionner, un peu comme on peut imaginer un ver ou un serpent auquel on aurait coupé la tête et qui essaye de se contorsionner sur lui-même. Vous voyez le truc? Ok, genre en fait, c'est juste ses nerfs qui... Ouais, genre il essaye de se rouler sur lui-même, mais vous voyez? Et ça a l'air de se tordre dans une manière vraiment comme s'il avait pas d'os, alors que vous avez bien vu qu'il avait des os, on lui défend. Donc, Pat, c'est à toi d'agir. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Coupez-moi cette tête, bordel. Donc, Pat, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as l'âge dans les mains. Moi, je m'éloigne, mais je vais refaire. D'accord, on s'éloigne complètement du truc avec la hache dans les mains, tandis que 22 tout à fait un petit pas en arrière. Le chien qui est en train de tenir la jambe a lâché la jambe parce que la jambe elle-même se contorsionnait et le chien a senti qu'il pouvait se retrouver en plein milieu du truc qui se tord. Ouais, je vois, mais c'est normal. Hein. Donc il a arrêté de lâcher, a priori, il ne tient plus grand chose. Tes chiens ne. Mike est toujours. Enfin, il est derrière 22, mais il est prêt à tirer si 22 a un problème ou s'écarte du combat, parce que pour l'instant 22 occupe le chemin. Et je gère. moi je vais m'amuser. Et 22, tandis que tu te prépares donc à redonner un coup, tu vois que le truc est en train de se tordre de manière à se remettre debout. Quoi? Oui, genre, c'est-à-dire, il se tord et il essaye de se remettre debout par contorsion, si tu vois un peu ce que j'essaie de te dire. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Et il continue à hurler à propos de jeune sang et de tradition. C'est moi le jeune sang. Et tu vois qu'il a, sur le bras que tu viens de couper, enfin, que tu viens d'entamer, ouais. Tu vois qu'il a l'os de son épaule qui a l'air de continuer, quoi. Genre comme s'il essayait de sortir du corps, Lost. Oh la vache, dégueulasse. Oui, donc qu'est-ce que tu... Il commence à... Maintenant qu'il est debout, il commence... Juste question à part, il y a un truc qui est sorti de son bide ou pas? Ouais, des intestins. Ok, juste les intestins, ok. Genre, il fait combien, quoi, en taille? Il doit faire 1m70. Ah, ça va en fait, je m'attends. Ouais, du coup. Je sais pas. Allez, fais quelque chose. Si dans 5 secondes t'as rien dit. Ok, je rappelle sur le bras où j'attaque. Très bien. Refais-moi un jet de. Un truc penchant. Putain, mais. Tu vas pas me prendre, mais encore 26. Très bien, d'accord. Donc tu redonnes un grand coup de hache, ce qui brise l'os. Sortir du corps. Et t'as le bras en entier qui tombe au sol. Là, on est face à un manchot. Oui, t'es face à un truc qui a plus aucun bras. Avec une moitié tête. C'est ça. Et c'est vivant. Ok. Si ce n'est qu'avec le coup de hache que tu as donné, en fait, il est retombé au sol. Il continue à essayer de se recontorsionner. Je vais juste remettre ma vie en question, pas ça. Et avec... tête. Avec sa jambe, il vient de saisir la patte d'un de tes chiens. Et complètement paniqué. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose avant que 22 continue son... Si 22 s'amuse, je le considère... D'accord, très bien. Donc, patte... Je vais prendre la hache avec toujours le bras accroché dessus, je suppose. Non, le bras a volé quand même. Tu l'as arraché, mais il a volé. Ah, ok. Et je vais jeter ça à Mike et lui dire merci pour ta magnifique protection. Attends, si tu veux jeter ça à Mike, ça veut dire que tu le jettes par-dessus 22. Est-ce que tu veux essayer de jeter une hache par-dessus 22? Genre je me décale et... Je fous ça en... Ah d'accord, dans genre ça veut dire que dans le... Il va commencer à... Genre la hache va tomber fin du scénario. Juste pour savoir, moi je vois de là où je suis tout... Oui, si tu te positionnes de manière à voir dans le wagon, tu peux voir complètement. Du coup, mais moi je gueule, je dis mais coupez-lui cette putain de tête, bordel. Mais il en a déjà plus. Mais si, il lui reste encore la tête. Il a un morceau en moins, mais il a toujours sa tête. Il faut absolument que je teste quelque chose. D'accord. Go tromper les jambes. Pat, est-ce que tu me confirmes le fait que tu passes à côté du coup? Non, mais c'est bon, vas-y, on éclate à deux, le truc. D'accord, donc Pat t'arrive avec l'âge pour le défoncer la gueule. En fait, je suis plus performant avec mes points. Dis-moi ce que tu veux faire. Il prend la hache et c'est tellement un point américain. Comment ça t'a fait avec? Allez, si dans 3 secondes t'as pas dit quelque chose, il se passe quelque chose. Non, je l'éclate à coup de pied. D'accord, très bien. Donc tu t'arrives, tu donnes un gros coup de pied. Ouais, on va dire que c'est aussi de l'art martiaux pour le coup. Je suis gentil quand même. On est d'accord, là, il est au sol. Ouais, il est au sol, il essaye de se recontorsionner et tout ça, mais il est au sol. Je tente d'inciser une jambe, enfin, littéralement de la couper en deux. D'accord, Pat, tes résultats ? 30. D'accord, donc t'arrives, tu donnes un gros coup de pied. Tu voulais le donner où, le coup de pied ? En pleine tête. En pleine tête, d'accord. Tu donnes un grand coup de pied dans la tête, et puis il y a presque toute la tête qui part, il reste plus que le cou et la mâchoire inférieure. Ta chaussure, elle est ruinée à tout jamais. Donc tu viens de défoncer son crâne, tandis que 22, au même temps, se fait pas le jet pour ce coup-là, mais tu coupes la jambe qui venait de saisir ton chien. Ouais, qui, du coup, relâche complètement. J'ai une facilité. Ouais, qui du coup relâche complètement le chien. La jambe est complètement inanimée. Et ouais. Vous voyez que le truc a l'air de ne plus bouger. Merde. Et là, vous m'entendez dire, eh ben voilà. Bon, je vais enfin pouvoir jeter la hache à mal, je vais lui faire un petit. Alors, juste une info, KO 1. Hein. Très bien. Quand je vous dis que la tête, il fallait la couper. Oui, bah désolé, on n'est pas tous fans de Romero, monsieur le cambrioleur. D'accord. Donc, Pat, toi, tu passes la hache à Mike en disant merci pour ton. Enfin, dis-moi ce que tu lui dis. Merci pour ta magnifique protection. Je crois que, et du coup, il a l'âge dans les mains. Je crois qu'il a un air. Disons qu'il est vexé par ta remarque. Mais il marmonne un peu devant moi. Il est sans rancune. Est-ce qu'on est vraiment sur la chair humaine ou pas? Par contre, au niveau du. Est-ce que tu veux commencer à l'observer? Moi, pourquoi pas, hein, je veux voir. Non, mais on a autre chose à foutre. Moi, je demande un Sirius. C'est quoi qu'on arrive? On arrive dans une minute ou deux. Un truc comme ça. Vous voyez ce panneau? Tu vois qu'il y en a pas passé juste à côté. C'est-à-dire qu'on arrive dans la gare. Le gars, il y a un putain de cadavre. Une minute ou deux. Tranquillement. Il y a plus de bruit du tout, il y a plus de suspect ou... Ouais, non, il y a plus l'air d'avoir de bruit. Enfin, au-dessus, il y a toujours les bruits. Ils ont l'air de déambuler pendant, mais... Ne vous inquiétez pas, en fait, c'est juste un truc en métal qui bouge en haut, c'est ultra bizarre. Ne vous inquiétez pas. D'accord, très bien. Est-ce que, 22, tu veux... Je vais pas te dire le croquer, mais est-ce que tu veux juste l'observer pour voir s'il est fait d'humain? Oui, ouais, je voulais voir si c'est réellement de la chair humaine. D'accord, je vais juste demander un petit jet en médecine. Oh putain, merde. Médecine, c'est où ça? C'est dans connaissance. Tu as 25. J'ai 25. Bon, 90. D'accord. A priori, il a l'air parfaitement humain. Ouais. Ah, du coup, je suis pas du tout choqué, je reviens. Bon, mais c'est ma classique, hein, tu peux. Parano. T'as beau avoir déjà un peu découpé des gens ou ce genre de choses, comme la dernière fois déjà quand t'avais le fameux. La fameuse top là. Non, on en parlera pas. Ouais, mais disons que là tu reconnais rien de spécial dans ce chose. Ok. Ça reste bizarre, hein. Bizarre. Donc j'imagine que vous vous éloignez un peu de cette chose pour retourner vers Thompson. Et on ferme la porte. Ouais, on ferme la porte derrière vous. J'imagine que je suis plein de sang là du coup. Oui. Ah oui, là t'es plein de sang, tout comme la main de Pat. Je, dans le jeu, il va falloir que je change mes affaires. Je veux juste savoir ce qui est venu dans notre direction, tout ça, ça venait d'un autre compartiment du train, d'un autre wagon. En tout cas, quand Pat l'a vu, il était dans le. Depuis le wagon qui avait juste à côté. Quoi. Okay. Parce que j'aurais pu dire, et sinon on aurait très bien pu détacher tous les wagons, puisqu'on est censé être dans la loco, quasiment. Si on enlève tous les wagons, s'il y a encore des gens dans les autres wagons, on les laisserait sur place. Logiquement. Mais c'est tout. Voilà, c'était. D'accord. Moi je reste toujours sur la vie. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant que vous arriviez à la gare? Bah moi je vais m'enlever. D'accord, oui, donc tu te fais un peu propre, enfin t'essayes d'enlever tout le sang que t'as sur ça. Je ne change rien. D'accord, d'ailleurs, ceux qui ont du sang sur eux, vous sentez quand même. Oh, il a une odeur bien, bien dégueulasse. Pas du sang très frais. À moitié pourri. Ouais, c'est ça. C'est comme dans mon regard. Et vous arrivez à la gare, donc votre train à deux étages s'arrête dans cette gare qui a l'air d'un des endroits qui est tout aussi, entre guillemets, steampunk que la ville que vous êtes. Ok. Vous sortez, j'imagine. Oui. Sirius qui titube un peu pour le coup, hein, il est beaucoup moins alerte que la dernière fois. Il dit normalement, il n'y a rien de ce côté-là. Mais restez discret, on n'est jamais à l'abri d'un vagabond de ces bestioles. Ah bon ça, j'aurais jamais cru que j'aurais pu survivre à une attaque de... Je crois que c'était un homme top ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas ce que c'est non plus, hein. Ça m'a l'air complètement humain. Et vous voyez que c'est à ce moment où il commence à se rendre compte le train qui conduisait, mais à dégueuler tout à côté. Ah, et puis une fois qu'il s'arrête, il fait « il faut aller par là ». Ah bon, ça, faut que je change de boulot. Et continue à avancer. Donc, vous le suivez, j'imagine, hein, parce que bon, faut être con. Faut être con pour pas le suivre. Je reste. Et vous avancez. A priori, l'endroit a l'air plutôt bien. Contrairement à l'autre partie de la ville steampunk que vous aviez vue. Où il y avait l'air d'avoir un peu de vie cachée, tout ça, ici ça a l'air d'être complètement vide. Okay. Il arrive devant une autre de ses égouts sous-marins, entre guillemets, il la tourne, il l'ouvre. Il fait bon, on va être dans un tunnel de maintenance qui est toujours utilisé par la ville. Si on vous pose des questions, on est la maintenance. Okay. Ok. Ça marche. Donc voilà, il passe en premier, vous passez les uns après les autres. Il titube en cognant un peu sur un côté gauche et tout ça. Il est complètement torché, tandis que vous vous suivez. J'aimerais juste vous poser, avant de continuer, la question de comment vous vous sentez par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous avez vu. Je peux commencer? Oui. Bah, j'ai pas changé d'état d'esprit, je suis toujours aussi content. D'accord, très bien. Voilà. Thompson. Pour ma part, je suis un peu en état de, enfin, un peu en état de choc parce que en fait tout s'est un peu enchaîné, ça a été très très vite mine de rien pour moi. Entre ce que j'ai entendu dans la boîte, cette personne là qui arrive, qui c'est même pas humain, enfin, du coup je suis un peu groggy en fait. Un peu chaos debout, mais bon j'avance parce que il faut avancer, on peut pas s'arrêter maintenant, et du coup je suis très très concentré sur la boîte. D'accord, très bien. Que tu portes, j'imagine. Oui, que je porte, oui. Après, j'ai proposé à Paul de la porter, mais je me suis dit que j'étais peut-être un peu sale. Possible. Non, mais de toute façon je la lâche plus, la boîte là. Pat, quel est ton état d'esprit? Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au bar, je vais boire un demi-litre de whisky, et C'est ça ton état d'esprit? Ouais, il a envie de se bourrer la gueule. Est-ce qu'on peut essayer d'oublier tout ça? Très bien, d'accord. Bon, vous vous avancez avec un gars qui dit tu balades. Ça bugue, je crois. Ça bugue. Je suis là. Toc, toc, toc, toc. Ouais, vas-y. Non. Donc, vous avancez dans ce couloir de maintenance et Sirius vous indique. Après, on va sortir, on va allonger un couloir de, enfin, un tunnel de métro. Normalement, on est dans les heures fermées, donc. Ouais, t'as fait que. Ouais, ça. Je disais, donc, on va arriver dans la station dans, en longeant le tunnel. Normalement, c'est dans les heures de fermeture. Ok. Donc, vous continuez. Je précise si d'une façon ou d'une autre quelqu'un veut faire quelque chose. Tout ça. Non, non, rien de particulier. Très bien. Donc, vous continuez à avancer. Vous traversez ce tunnel de maintenance, puis il ouvre une porte qui mène au tunnel de métro dont il vous a parlé, où il faut longer le mur. Et vous continuez à avancer. A priori, pour ceux qui auraient l'envie de regarder, je sais pas, le téléphone ou un truc, il est bien tard dans la nuit, hein, il doit être... C'est vraiment au moment où il n'y a plus personne qui prend... Enfin, il y a toujours des gens qui prennent le métro, mais il y a toujours un moment de pause, quoi, disons. Et ici, c'est en pile dans le moment où il n'y a pas de métro qui passe. Ok. Ok. Donc, vous avancez... du mieux que vous pouvez. Et vous arrivez à la station de métro qui correspond, vous voyez en voyant le nom de la station, qui a en dessous de Mjelgania Island vers le centre, donc quasiment dans les alentours de la tour Wayne. Donc, vous arrivez à cette station de métro. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, si ce n'est à un banc, il y a deux personnes assises qui se lèvent en vous voyant arriver. Vous remarquez que ces gars sont dans des habits assez particuliers. Vous attendiez pas à être accueillis par des types comme ça parce qu'ils ont des habits de gars qui travaillent dans des fast-food. Ouais, ça change. Il s'approche, simplement, Sirius s'approche lui aussi en premier, il essaie d'y arriver parce que... Et donc les types en tenue de fast-food se tournent vers vous et ils font... Vous avez le colis ? Bah, je leur dis oui, mais genre un peu... pas sûr, tu vois, genre... Ouais... Mmh. Très bien. Vous pouvez le passer à mon collègue ici. J'ai presque du mal à lui donner en fait. Je suis là, mais. Très bien. Je demande à Mike si c'est bien eux. Oui, Mike, il va bien. Il a l'air d'être confortable comme Sirius. Enfin, confortable, confiant. Ok, voilà. Comme Sirius, quoi. Donc, tu lui passes la boîte? Du coup, oui. Rien, tu passes la boîte au type qui est avec lui, qui donc prend la boîte, et l'autre qui sort de sa poche une grosse liasse de billets, il la passe à Sirius, enfin à Sirius, sauf que Mike la prend directement, vu que c'est Mike qui a le devoir de ramener la monnaie à son patron. Et puis il fout dans sa autre poche avec de l'argent, il fait « Donc vous êtes les freelances, c'est ça ?» C'est ça. Très bien. Donc on a parlé de vous, voilà votre part. Vous voyez qu'il vous passe 2000 chacun. Oh, pas mal. Très bien. Et je compte sur vous pour être silencieux. Comme d'habitude. Ah, vous parlez pas de ce que... Enfin, de votre affaire, quoi. Pas de problème. On aurait bien que le marché se pérennise. Donc que les flics viennent pas dans le coin. Oh, les flics ils viendront pas. Bon, très bien. Bon. Il vérifie pas ce qu'il y a dans la boîte, rien du tout. C'est a priori non. Confiance. A priori non. Disons que. Enfin, en tout cas, il le vérifie pas devant vous, en tout cas. Du coup, moi je leur dis par habitude, je vais, mais vous vérifiez pas la marchandise? Non, ça fait déjà quelques années qu'on fait affaire avec le bar. Ah, ok. On a un accord de confiance mutuelle, il n'y a aucun problème. Bon, je vous souhaite bonne continuation et n'hésitez pas à la chaîne de restaurant. Pas de problème. Chaîne de restaurant. Putain, du coup, À bientôt. moi je suis en panique un peu là. Donc voilà, les deux types commencent à s'éloigner vers Ils sont ce qui deux? semblait. Oui, il y a celui-là qui vous parlait et celui-là qui a récupéré la boîte. Juste comme ça, enfin, dans la logique, normalement, notre mission est terminée, hein, j'imagine. Oui. Est-ce que c'est possible de loin de les suivre? Oui, c'est possible. Du coup, j'aimerais les suivre de loin. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui l'accompagnent? Enfin, j'imagine que là, vous vous séparez tous, donc il y en a qui... Moi, je découpe Pas pâle. Pas pâle. Enfin, ouais, non, c'est pas logique que vous suiviez, enfin que vous le suiviez, vu qu'a priori vous êtes juste censé vous... Donc oui, vous êtes juste censé vous séparer, donc vous terminez votre affaire et vous commencez à vous séparer. Vous vous saluez pour dire, ça vous connaître un peu quand même. Vous vous dites. Oui. Ouais, salut. Donc il y a pour l'instant, vous voyez que Mike et Sirius repartent dans le métro. Moi, je suis en train de parler à 022. Très bien. Et je confirme. D'accord. Si vous mettez moi dans la confidence, peut-être? Oui. Je t'envoie le screen de la cour. C'est, ils prévoient des trucs, mais ils me le disent pas, du coup. Ouais, c'est le MJ, il est au courant de rien. On peut pas faire les MP. Alors, attends. Il faut que je regarde. Il faut que je zoome, bien sûr. Ouais, c'est le dernier, hein. C'est le tout dernier. D'accord, ok. Donc, j'imagine que du coup, vous. Ouais, non, on reste du coup. D'accord, ok. Donc, vous, plus ou moins séparés, vous partez chacun de votre côté, plus ou moins. Oui. Non, je reste avec Pat, du coup. Oui. Et c'est là que vous vous rendez compte que. Alors, attendez. J'aimerais juste une précision de 22 par hasard, ou de Pat. Ouais. Ouais, voir les deux. C'est qui? Genre, attends, je vais t'envoyer la question totale à 22. Ok. C'est lui l'organisateur, mais c'est ok. Ouais, bah, tu lui repasseras. Ouais, t'inquiète. Gossette, ils sont pas ce qui se passe, mais qui doit être bien stressé. Je suis pas au courant, moi non plus, hein. Bon, je suis de retour. Alors là, petit moment de flottement parce que tout le monde fait un peu des trucs de son côté, quoi, mais. Bah, c'est normal, je. Ok, d'accord. Donc, je précise donc que pour faire ceci, vous ne restez pas sur place. Parce que ceux qui restent sur place, c'est Mike et Sirius qui repartent dans le métro. Ouais. Ah, d'accord. Moi j'ai suivi les. D'accord, très bien. Donc, vous vous séparez plus ou moins et vous. C'est à ce moment, donc, Thompson, toi qui suis les deux gars, tu te rends compte de manière plus ou moins discrète que t'es pas le seul à les suivre. A priori, Pat et 22 aussi se sont mis dans l'idée de les suivre. Ok. Après, toi, tu sais pas trop si eux t'ont remarqué ou pas. Spoiler, ils ne l'ont pas remarqué. parce que tu es quelqu'un de discret. Tu es un cambrioleur tout de même, donc bon. Tu sais comment tu connais les bails. Moi j'ai dans l'idée de dire que les deux socios là qui nous ont guidés, ils sont partis. Oui, là ils sont partis et tout le monde est en gros sorti du métro par la sortie publique qui était ouverte pour le coup. Très bien, d'accord. Donc, eh bien, je vous laisse dire Pat et 22 ce que vous faites vu que les deux types sont à côté et continuent à marcher. Moi, je vais essayer d'avancer discrètement et dès qu'il me fait peur, je vais parler beaucoup. D'accord, très bien. Donc, tu t'approches. Toi, Thompson, t'es témoin de ça parce que t'es suivre de manière discrète. Tu vois tes deux collègues qui se rapprochent. Il y a un des deux types qui se retourne et Pat fait parler la poudre, donc fais-moi un jet de... tu fais ça avec ton flingue ou ton fusil avec un ancien? D'accord, très bien, donc ton fusil. J'ai deux fusils, t'as fait combien? 17. Très bien, donc tu... Bah, il se retourne et c'est à ce moment-là où il fait une... Il vole avec la grosse détonation, et il fait une espèce de vol en arrière. C'est celui-là qui tenait pas. Qui du coup part, se fait éjecter. Je sais pas si vous avez vu Django Unchained, mais là j'imagine que le mec il a la même mort que Dr. Schultz en fait. Alors je l'ai pas vu, mais j'imagine que je peux approuver, même si je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas il est mal. Un vol planète 4 mètres. Ouais, c'est fou, faut être. Enfin, peut-être pas 4 mètres, mais oui, il fait un sacré vol. Et le type qui est à côté lâche la boîte qui vient se taper par terre de manière violente et commence à faire le mouvement d'aller chercher un flingue dans sa poche. Ou un couteau, ou un truc comme ça. Et la voix du mec totalement psychopathe qui dit arrête de bouger gamin, mais tu sais, personne ne sait où il est. Il y a quelle distance de moi là? Il doit être à moins d'un mètre tout de même. Moins d'un mètre? Enfin, non, un mètre. Moi je veux le choper, je vais lui éclater la tête. D'accord, je vais juste demander à Yamato, je veux dire 22, ouais. De faire un jet de, du coup d'intimidation. Du coup. Ah, je sais pas si j'ai dessus. T'as fait combien? 30 et ça passe. D'accord, très bien. Donc tu vois que t'as parlé, tu sais pas trop si c'est... surprise d'avoir entendu quelqu'un parler qui n'était pas censé être là. Mais il s'est arrêté dans son mouvement et c'est à ce moment-là que Pat profite de ce moment de vide pour... Pour lui éclater la gueule, je chope par le col et je... D'accord, très bien. Fais-moi un jet d'arts martiaux, mais disons que c'est plus pour évaluer les dégâts que pour savoir. 28. Très bien, tu le prends par le col, je lui... Quelques coups. Beaucoup de coups pour bien lui défoncer la gueule. Et après, une fois que tu le lâches, il tombe au sol, tu sais pas, il a l'air peut-être mort, soit il est dans un coma de manière très très longue. Vous remarquez dans mon regard quelque chose que vous n'avez jamais vu. Il est enragé. Non, pire que moi. Non, c'est pas de l'arrivée. Très bien. Est-ce que, Thompson, tu décides de faire quelque chose? Observation. Là j'avoue que j'ai un peu pris au dépourvu, je m'attendais pas à ça en fait. Je garde quand même mes distances, je regarde. D'accord, très bien. Donc tu gardes tes distances. Maintenant, 22 et pas, donc les deux... C'est raison. Donc voilà, ils sont par terre. Qu'est-ce que vous faites maintenant, vous deux? Je vais demander sur 22 de venir m'aider à jeter les corps sur les rails, je me barre avec les boîtes. Tu veux pas choisir avec les corps, plutôt? À jamais? C'est comme tu veux. Ok, je fais ça. Tu me passes la team? Ouais. Ben okay. Du coup, Thompson, tu veux que je passe une vidéo, c'est 0,22. Bon, j'ai pas su. Essaye de parler un peu plus fort, j'ai pas très entendu ce que tu dis. Il me passe une liasse. Je lui passe la liasse. Thompson voit que je passe la liasse. Ah oui, d'accord, ok. Et je me barre avec la boîte. D'accord, donc tu pars avec la boîte. Et est-ce que tout le monde se sépare de manière définitive? Enfin, faire autre chose. Moi, je veux fouiller les corps, on essaie de trouver des infos sur eux. D'accord. Donc, tu fouilles les corps avant de partir avec la boîte. Tu vois qu'ils appartiennent à la chaîne de restauration de fast-food qui s'appelle Well Food. Well Food. Et tu vois qu'il y a des papiers, un peu leur portefeuille et tout ça. Et l'un d'eux, celui-là qui était en train de fouiller pendant le combat, avait un canif. Ils ont des thunes sur eux qui restent ou pas? Ouais, ils avaient un peu de thunes, mais rien d'incroyable. J'ai leur identité ou pas? De quoi? Est-ce que j'ai leur identité? Oui, tu as leur identité. Ok. Moi, je passe l'autre portefeuille, comme j'imagine qu'il n'est pas sur le même canif. Très bien. D'accord. Est-ce que tout le monde se sépare vraiment, ou est-ce que par exemple Thompson? Bah, de toute façon, là maintenant, moi j'ai plus rien à faire réellement. Hein. Je peux partir parce que j'y allais un petit peu pour ça aussi. Donc, d'accord. Mais c'est plus pour savoir ce qu'ils comptaient vraiment faire de cette boîte, du moins ce qu'il y avait dans la boîte. Mais on ne le saura pas. Donc, tant pis. D'accord. Donc, vous partez. Je regarde si personne va voir, je demande s'il y a personne qui va voir ce qu'il y a dans la boîte déjà. Mais nous on le sait. Enfin. Il y a quoi? Je demande ce qu'il y a dedans. T'inquiète pas, c'est pas grave. Ben moi je suis pas là, donc enfin je suis pas censé. Ah bah je demande à Paz ce qu'il y a dans la boîte. C'est rien qui peut vraiment t'intéresser, t'inquiète pas, ça va pas jouer l'important. Ok. Ouais, j'y touche pas. Ok, très bien. Donc vous vous séparez de manière définitive. Enfin pour la soirée. Vous partez chacun de votre côté. Peut-être qu'à l'avenir, vous vous repenserez un peu aux choses qui se passent sous vos pieds plus tard. Imaginant qu'il y a peut-être pire là-dessous. Et peut-être en pensant à qu'est-ce qui aurait bien pu arriver au contenu de la boîte s'il avait été amené par ces gars qui travaillent dans un fast-food. Vous n'aurez aucune idée, mais vous gardez en tête qu'a priori, ça fait des années qu'il travaille avec le baron. Et je vais vous laisser donc sur cette note-là, car c'est la fin de ce scénario bonus.